Ici, tous les samedis dès 13h, c'est dans le rétro. Et dans l'émission ce week-end, notre invité, ce sera Marc Lavoine. Vous dites que les femmes vous regardent d'une façon différente. Oh, c'est le regard, c'est aussi la façon d'être. C'est simplement... voilà, une femme se déplace dans l'espace de façon différente qu'un homme. Alors évidemment, elle a l'impression qu'on la regarde quand on est méchant avec elle, quand on lui fait des remarques sur sa tenue, ou sur la façon de s'habiller court, de s'habiller comme une femme. On la regarde quand on la séduit aussi. Oui, bon, je ne trouve pas qu'il faille séduire forcément une femme, mais l'homme abîme tout ça. Pourquoi ? Parce que le mot séduction, par exemple, être séducteur, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Pourquoi c'est terrifiant ? Je trouve ça terrifiant, hein. Je trouve ça terrifiant d'être séduisant, c'est autre chose. Mais c'est déplacé ? Être un séducteur ? Ouais. C'est horrible. Être un séducteur, c'est-à-dire qu'on veut, on sait qu'on l'est, quoi. On a une conscience de séduire. Bah oui, mais la séduction, c'est un jeu quand même. Donc effectivement, ouais. Justement, on dit qu'il y a un pouvoir de séduction. Donc oui, c'est une sorte de pouvoir, mais c'est aussi... Oui, c'est un jeu. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un faux jeu. Vous ne séduisez pas, vous, par exemple ? Être séduisant, c'est différent qu'être séducteur, vous voyez ? Une petite nuance. Alors, c'est quoi la nuance ? La nuance, c'est qu'un séducteur, il veut vous séduire. Il attaque, quoi. Voilà. Moi, j'aime pas attaquer. Voilà. Donc, je préfère ni me défendre, mais être séduisant, c'est autre chose. C'est une façon d'être qui vous dépasse, qui n'est pas consciente, qui n'est pas mesurée. Vous ne mesurez pas, ça. Il y a des gens qui ont du sexe à pile, ils ne le savent pas. Mais quand on veut être séducteur, c'est terrible. C'est terrible. Ce qu'on a dans la tête à ce moment-là, c'est peut-être, je sais pas, une revanche sur quelque chose. Enfin bon, j'ai jamais réussi à l'être. Retrouvez l'intégralité de cette interview dans le rétro, samedi dès 13h et à tout moment en podcast sur l'application ICI. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Love.

l'ordinateur, j'ai bien mis tout mon cœur en espérant trouver le bonheur. Je préférais comme on savait avant, au coin d'une rue ou dans un restaurant, quand j'essayais d'avoir ton téléphone, mais quand j'appelais, il n'y avait personne. Je préférais ces matins de printemps, on se donnait rendez-vous sûrement, on s'écrivait des poèmes d'amour, et nos chansons rimaient avec toujours. Dans un café, tu lui as donné rendez-vous, ta photo devait être un peu floue. Elle ne t'a pas reconnu sur le moment et t'a quitté en un rien de temps. Je préférais comme on s'aimait avant, le hasard faisait rencontrer les gens. Je t'attendais en bas chez tes parents, le cœur ému, mais le corps innocent. On prenait le temps de se faire la cour, on prenait le temps de se faire l'amour, on se prenait pour le prince charmant. Je préférais comme on s'aimait avant. Mon téléphone dit que j'ai 3000 amis, pourtant le soir je m'endors seul dans mon lit. Sur la toile on dit que je suis populaire, pourtant je suis tellement solitaire. Je préférais comme on s'aimait avant, comme dans une chanson de Dany Brillant. Il suffisait de regarder ses yeux, et puis soudain, on était amoureux. Je préférais le soleil de juillet, sur une plage on se rencontrait. Se marier ne nous faisait pas peur, on s'engageait, on écoutait son cœur. Je préférais comme on s'aimait avant. Je préférais comme on s'aimait avant. Ici, votre radio locale, toujours avec vous. On entend les hommes vieillissent mieux que les femmes. Mais c'est normal, votre vie est une thalassothérapie. Oui, alors si on commence comme ça, on n'est pas prêt de régler le problème du partage des tâches, mais Nawel Madani n'a pas tout à fait tort. Hein. Le mot canapé est masculin, le mot lessive est féminin, curieusement, et visiblement, c'est pas prêt de changer. C'est simple, à la maison, j'ai un stagiaire. Mais pas n'importe quel stagiaire, c'est le fils du patron. Il fait rien de bien, mais je peux rien lui dire. Voilà, que toutes celles qui vivent avec des stagiaires intouchables prennent le parti d'en rire, parce que sinon ça risque d'être long, hein, la vie conjugale. Ceci dit, il existe un spécimen d'homme qui fait le ménage, mais c'est parce qu'il n'a pas le choix. Quand on vit avec un ou une bordélique, on en a tellement marre de nettoyer et de ranger derrière l'autre qu'on prend cette décision radicale. Je vais arrêter de nettoyer et de ranger. Et elle va voir ce que c'est que de vivre dans le désordre et la crasse. Erreur colossal. Avec sa vision sélective, le bordélique est parfaitement adapté à un milieu immonde. Là où toi, tu vois de la poussière, eux, ils voient des paillettes. Bon, bah, il y en a au moins un qui sait ce que les femmes endurent. Hein. Denis Richir est donc l'homme providentiel. La solution pour que les hommes fassent le ménage, c'est que toutes les femmes deviennent bordéliques. Allez, on commence demain. Ici. surtout ne m'en voulez pas trop. Si ce soir je rentre chez moi, j'ai tellement de choses à faire avant que le jour se lève. Et pendant qu'elle dormira, moi je lui construirai des rêves pour que plus jamais au réveil elle ne se lève les yeux en pleurs. Et pour que cette longue nuit ne soit plus jamais noire et profonde, je demanderai à la lune de remplir le ciel tout entier. Et pour que je puisse encore la voir me sourire comme avant, je demanderai au soleil de brûler même en plein hiver. Et pour qu'elle puisse encore chanter les chansons de notre bohème, je construirai un silence plus grand que ceux des cathédrales. J'irai réveiller les amants, je parlerai des heures entières, et je sais qu'ils me suivront tant que nous resterons amants. Alors on se promènera tous ensemble, on dansera d'incroyables sarabandes, et elle oubliera sa peine. Et pour que la ville danse, et pour que la ville chante, on inventera des couleurs, et elle oubliera ses larmes. Nous irons dans les campagnes pour cueillir les fleurs des champs, pour faire un grand lit blanc où l'on s'aime tendrement. Et puis nous irons au fond du ciel pour lui choisir une étoile, parce que Marguerite est bonne, que Marguerite est belle, parce que Marguerite est vraie, parce que Marguerite est douce, parce que Marguerite m'aime. Moi je ne vis que pour elle. Marguerite est ma raison, mon lendemain, faire mal. Parce que Marguerite est celle que je veux toujours près de moi. Marguerite et Marguerite, Marguerite est tout pour moi. Vous écoutez ici. Je t'aime et je t'aime un peu trop, un peu trop. T'as que claqué des doigts et je suis accro, fais un portrait de moi comme Picasso, Picasso. Je t'ai déjà envoyé la photo, un peu trop. C'est moi où il fait un peu chaud, un peu chaud. Je vois la sueur qui coule sur ta peau, sur ta peau. Et là je rêve de plusieurs scénarios, scénarios. Je t'ai envoyé une vidéo, un peu trop. Radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. Décibel, c'est l'émission d'actualité musicale inratable de votre radio préférée. Ici, enfin inratable, parfois on l'a raté et c'est pour ça qu'à cette heure-ci, on écoute ensemble les meilleurs moments. Ici, avec Émilie Mazoyer, c'est Décibel. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue. C'est parti pour 2 heures de Décibel ensemble en direct. Double affiche ce soir pour nos invités. Dans la première partie de l'émission, je vais vous présenter la nouvelle sensation belge. En ce moment, que vous soyez à Bruxelles, à Namur ou à Mons, bref, dans toute la Belgique francophone et d'ailleurs chez les néerlandophones également, tout le monde est fan d'Innocent. Innocent a sorti son premier EP vendredi. Il s'appelle Six. Il en a profité pour donner son premier concert parisien. Il a cartonné. Il est grand temps donc que vous rencontriez le talent de ce garçon. Innocent est l'invité de Décibel donc dans la première partie de l'émission. Ne le ratez pas. Et puis tout à l'heure, après 20h... Marine et Ebony, respectivement grande gagnante et belle finaliste de la Star Academy de cette année. Elles passeront nous faire un petit coucou alors qu'elles sont en plein marathon promo, toutes les deux, la Star Academy qui s'est refermée samedi soir, donc avec la victoire de Marine. Enfin, dans les rendez-vous à ne pas rater ce soir, il y a notre auditeur programmateur Philippe qui va vous faire découvrir un groupe qui s'appelle Dieter. Hein, j'espère que vous allez l'aimer. Il y aura également un petit blind test spécial 1991, si c'est une année qui vous inspire. Alors appelez-nous dès maintenant pour jouer au blind test 0810 055 056. C'est Laura qui est au standard ce soir, 0810 055 056. Allez-y, appelez-nous pour vous inscrire. Et puis comme d'hab, on terminera l'émission en live, en concert ce soir à l'affiche du Festival Idéal d'ici, Louise Attac, Johnny Clegg et Maxime Le Forestier. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Non, mais quoi, qu'est-ce quoi qui croit à ça? Des nouvelles. nouvelles du nouvel album de The Weeknd et puis la fermeture du dernier Macumba de France. Plein de choses ce soir à partager avec vous. Bienvenue, c'est Décibel. Puisque mon invité de ce soir, Innocent, est belge, je me suis dit que j'allais aller chercher dans le répertoire qui vient de Belgique ma chanson d'amour pour démarrer l'émission. Alors l'artiste en question n'est pas née en Belgique, mais elle y a grandi. Elle s'appelle Lio et elle sortait en 1980. Une super chanson d'amour, ni larmoyante, ni un slow, hein. Ça peut être sautillant l'amour, même quand c'est solitaire. Lio, amoureux, solitaire. On démarre bien, je crois. Solitaire, Lio en 1980, paroles et musique. Jacquenot et Ellie Medeiros, ex Stinky Toys, voilà, groupe punk français qu'on aimait énormément et qui avait eu la bonne idée de travailler avec Lio sur ce amoureux solitaire. Donc normalement, vous êtes de bonne humeur, amoureux ou pas. Chacun y trouve son compte dans cette chanson, il me semble. Ici, toute l'actu musicale. Dans Décibel. Avant d'accueillir mon invité de ce soir, je vous préviens, je l'adore, ça va s'entendre. Hein, voilà, sachez-le. Avant ça, je lance le duel du jour. Alors, il se trouve qu'on est le 27 janvier. Vous en avez entendu parler, je pense, depuis ce matin à la radio. Vous l'avez lu dans les journaux. Aujourd'hui, 27 janvier, c'est la journée de la mémoire des génocides, prévention des crimes contre l'humanité. Et c'est aussi les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Alors, dans la pop et dans la variété française, il y a des chansons qui abordent cette période terrible de la Shoah. Je voulais qu'on en écoute une ce soir, mais ça va être à vous de choisir laquelle. On pourra écouter Louis Chédid, Anne Masseran, sortie en 1985, il y a pile 40 ans. Anne Masseran, en écrivant ton journal du fond de ton placard. Anne, ma sœur Anne. Anne, ma sœur Anne, allusion à Anne Frank, évidemment. Et puis les Rita Mitsouko, Le Petit Train, ça a l'air d'être une chanson très sautillante. Alors effectivement, elle sautille, mais le train en question, c'est un train de la mort. Ben oui, la mémoire, ça passe aussi par la musique. Alors à vous de choisir Louis Chédid ou les Rita Mitsouko pour voter. Rendez-vous sur Instagram, sur le compte de l'émission @icidécibel, avec un S à décibel. Vous trouverez en story le sondage. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Louis Chédid ou les Rita Mitsouko. On écoutera la chanson tout à l'heure vers 20h15. Baladez-vous en Belgique, les amis, il y a plein de bonnes raisons pour ça. On mange bien, les gens sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus beaux. Et quand on allume la radio, voilà ce qu'on entend en ce moment. Bon, par contre, il y a un temps pourri, mais c'est pas grave parce que la musique est bonne, bonne, bonne en Belgique. Salut Innocent. Salut Emily. Ravie de vous recevoir dans l'émission, cher Innocent. Alors attention, il n'y a pas de E à Innocent. C'est comme ça que vous allez le retrouver sur les réseaux sociaux. Vous allez le retrouver aussi sur toutes les playlists du moment. C'est dingue comme cette chanson, elle est en train de devenir un énorme tube en Belgique. C'est là d'où vous venez. Vous avez grandi à Bruxelles. Vous êtes installé là-bas depuis quelques temps. Ça fait quoi de s'entendre à la radio ? Déjà, ça fait très bizarre. Ah ouais ? Ah ouais, ça fait super bizarre. Vraiment, mes amis commencent à m'envoyer des vidéos dans les voitures et tout. Ah, c'est vrai, ils se filment avec l'autoradio et tout. Oh, j'adore. Moi, j'ai pas de voiture, donc je me filme devant la télé. C'est bien. Mais oui, parce qu'à la télé aussi, à la radio, enfin ouais. Voilà. Et on les connaît, les phénomènes belges. On a envie, nous, d'être dessus très, très tôt, parce qu'on sait qu'en général, voilà, ça devient très, très vite, très bon. Vous avez sorti vendredi votre premier EP. Un EP, c'est un mini-album. Il s'appelle Six. Et alors là, attention. Concept, 6 ans de relation, 6 chansons, 6 façons de dire à une personne de rester. Enfin, 5 et demi, parce qu'il y a quand même une chanson où vous lâchez un peu l'affaire. Voilà. C'est un concept hyper fort. Ceci dit, après une relation de 6 ans, comment on trouve la force, une fois qu'on a cœur brisé, parce que clairement, quand on entend vos chansons, voilà, on voit que ça ne vous a pas laissé indemne. Comment on arrive à transformer ça en musique, en art, et à le partager avec tout le monde ? Bah, en fait, déjà, les chansons, je les ai écrites vraiment tout au long de la relation. Ouais. Et en fait, pour moi, écrire, mon process est très simple. Quand j'ai vraiment un sentiment, vraiment, quand je me sens mal, quand j'ai un message à mettre sur papier, ça peut devenir une obsession pendant une bonne semaine, 2 semaines, où vraiment, je ne peux pas en fait enlever ce sentiment tant que je ne l'ai pas mis sur papier. Et à la seconde où je l'ai mis sur papier, j'ai plus. Je me sens bien, je me sens libéré. Donc c'est une thérapie, c'est de la magie. C'est une vraie thérapie. C'est une vraie thérapie. Mais bon, elle est partie quand même. Elle est quand même partie. Oui. Et on a dit c'est une thérapie, c'est pas la potion magique. Exactement. C'est ça. Alors Six est sorti vendredi. On va découvrir un petit peu cette EP parce que vraiment moi je suis hyper impressionnée par votre voix, par votre style, par vos influences. Enfin voilà, j'aime tout. Mais alors on va rembobiner un petit peu. On va faire la bio de Innocent, parce que là aussi, bah, vous n'êtes pas comme tout le monde. Donc, vous êtes né à Paris, mais vous avez vécu aux États-Unis, vous avez vécu au Canada, avant finalement donc, de vous installer à Bruxelles. Votre maman est française, mais votre père est originaire d'Haïti. Et en fait, il est chanteur, votre papa. Il faisait beaucoup de tournées, exactement, en reprenant un peu des trucs de crooner, du Sinatra, Nat King Cole. Et vous l'avez suivi en tournée quand vous étiez petit. Bah, en fait, depuis que je suis petit, mon père, il a toujours habité aux États-Unis. Donc, ouais, il est devenu américain pendant ma jeunesse. Et chaque été, j'allais le rejoindre vers Chicago, parce qu'en général, l'été, il est vers Chicago, Virginie. Et en fait, tous les week-ends, on allait en festival. Et c'est moi qui vendais les CD. Tenez le stand. Ok, et à ce moment-là, est-ce que vous chantiez déjà ou alors est-ce que c'est ça qui vous a donné le virus ? Mais j'ai toujours chanté. Ouais. Mon père et ma mère m'ont mis à la chorale. Je me souviens pas, enfin, je m'en souviens pas énormément, parce qu'à Paris, j'habite à Paris de 0 à 5. J'étais déjà à la chorale. Ah oui. J'étais déjà à la chorale, donc j'ai toujours chanté. j'ai pas été très bon au chant, mais j'ai chanté. Donc ça, plus tous les trucs que vous écoutiez, je pense, avec des parents fans de musique, forcément, ouais. aussi, vous avez une éducation musicale de dingue. Les tournées, les backstage. Mmh. Et donc, vous vous dites que vous allez faire ça dans votre vie. C'était... Ouais. Il n'y avait aucun monde où je ne faisais pas de la musique dans ma vie. Ouais. Vraiment, c'est être sur scène, c'est ma vie. Quand je voyais mon père... Et en fait, ça, c'est un truc aussi assez marrant. Avant de monter sur scène, je me dis toujours... Ok, je suis le fils d'un chanteur. C'est pour me rassurer. Je suis le fils d'un chanteur. Si je ne suis pas bon sur scène, si je ne suis pas fait pour être sur scène, il n'y a personne d'autre qui est fait pour être sur scène. Donc il faut que je me déstresse. Ouais, et ça marche. Ça marche à chaque fois. J'aime bien ces autothérapies là, de Innocent. Vous voyez les amis ou pas ? Il a travaillé sur lui quand même avant de venir nous voir. Alors ce qu'il faut dire, c'est que petit malin, vous avez tenté un petit raccourci. Dans votre jeunesse, vous vous êtes dit « Oh, allez, au talent, ça passera un télécrochet ». Alors effectivement, vous avez fait un petit télécrochet en Belgique, où vous avez été remarqué. Mais alors, dommage pour vous, derrière, on vous a fait enregistrer un truc que vous n'assumez pas du tout. On m'a dit que vous préféreriez écouter du Annie Cordic, d'écouter ce que vous avez fait à l'époque. Dont acte. Et c'est du belge aussi. Hein. Donc ouais, c'était pas une bonne idée. En fait, c'était pas fait pour vous. C'était pas fait pour moi. Et j'étais trop jeune. Bah moi, c'est ça, ouais. J'étais beaucoup trop jeune, moi, musicalement. Enfin, pour me trouver musicalement, il a fallu déjà que je me trouve un minimum humainement. Et ça m'a pris pas mal de temps, justement, à développer cette maturité. Et en fait, quand j'avais 18 ans, ouais, non, j'étais pas prêt du tout. Mais non, ouais. Ne cherchez pas, j'ai cherché, hein. Et il n'y a rien, parce qu'en plus, c'était pas sous son vrai nom. Donc de toute façon, on est foutu, on trouvera pas, mais tant mieux. Moi, je veux le Innocent d'aujourd'hui, de 2025. Et cette chanson, on va l'écouter, hein, comme si on était en Belgique, Give Me Your Soul. Il faut savoir que sur Six... Cet EP, donc, toujours autour de cette histoire d'amour. Évidemment, selon si ça va bien, si vous avez un peu d'espoir de sauver la relation ou pas du tout, vous vous adressez différemment à celle qui est en train de vous briser le cœur. Là, sur Give Me Your Soul, vous faites un peu flipper. Je suis complètement d'accord. C'est une chanson très toxique, Give Me Your Soul. Parce qu'en soi, tu te dis, qui suis-je pour demander à quelqu'un de me donner son âme ? Ouais, donne-moi ton âme. C'est très dur même. Et même en studio, à un moment... On travaillait et on m'a demandé « Est-ce que t'as pas envie de changer les paroles ? Est-ce que t'as pas envie de justement adoucir les paroles ?» Et en fait, j'avais absolument pas envie. Ouais. C'était vraiment... Je trouve que je dois vraiment être vulnérable et honnête dans mes chansons. Parce que je suis certain qu'on l'a tous ressenti à un moment. On a tous été égoïstes. Bien sûr. Et on a tous été toxiques. On Exactement. A tous été des monstres. Enfin, l'amour, ça rend pas que beau. Hein. Exactement. Alors écoutez, parce que ça fait quand même des chansons... incroyable. Petit comportement toxique. Oui, et alors, si c'est pour arriver à Give Me Your Soul, tout le monde est pardonné. Faites-moi confiance. Innocent, c'est sorti vendredi. C'est une bombe. I waste my night thinking of what we could have been, spending all of my life crawling into something that would never fit. Maybe I should have done more, could have done better, I cannot know for sure. And I think I'll never, but I will not go back to these memories we shared. Give me a soul, give me all I ever needed, give me a place. I'm obsessive, trying hard to find a way to make it out of this lion's den, but nothing seems to be working. Suddenly I found myself stealing from a liquor store, trying to feel something, something more than anger. Give me a soul. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, vous demandez-vous, vous qui venez d'allumer la radio? Eh bien, c'est belge, mes amis, Innocent, I-N-N-O-C-N-T. Il est mon invité ce soir. Là, vous venez d'entendre la chanson Give Me Your Soul, bah, qui cartonne, ouais, en Belgique. Je pense que ça va cartonner en France aussi. C'est en France, toi. Quand j'ai dit sorcellerie, c'est-à-dire, on est comment là? Qu'est-ce que c'est que ces chœurs et ces cuivres et tout? Qui sont ces gens merveilleux qui bossent c'est avec vous là? C'est une équipe incroyable de Bruxelles. Ouais. Enfin non, de partout en Belgique. Parce ouais. qu'on avait des Flamands aussi avec nous, c'est incroyable. Les choristes, c'est les mêmes choristes que Célassou d'ailleurs. Hey, classe, on adore Célassou. Oui, de toute façon, il y a un truc avec la soul. Hein. Oh, mais clairement, ouais. clairement. Mais c'est hyper beau. Enfin, c'est pas à la mode et c'est ça qui rend ça tellement beau. Ouais, je comprends. C'est... La soul, c'est vraiment un... J'écoute ça depuis que je suis petit. Et ouais. je vois pas d'autres styles de musique qui est plus approprié pour raconter vraiment ce que tu as vécu. Quoi. Et ça va très bien avec la langue anglaise. Ouais. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, papa américain et tellement de temps passé aux États-Unis. On entend bien, voilà, il n'y a pas de problème d'accent ou quoi, mais c'était automatique et naturel d'écrire en anglais et de chanter ces chansons-là en anglais? Complètement. J'ai du mal à écrire en français. Ouais. Mais j'aimerais bien chanter en français. Donc si un jour quelqu'un écrit une chanson formidable en français, je la chante demain. Okay. Par contre, en fait, le truc que j'aime bien avec l'anglais, c'est que tu peux être très direct dans la façon dont tu parles. Ouais. Et ça sonne bien. Et c'est ça le genre d'écriture que j'adore dans des chansons. The Thrill Is Gone de B.B. King. Ouais. Tu dis directement The Thrill Is Gone. Voilà. C'est très direct. C'est dur à traduire en français. Ouais, The Thrill Is Gone. Et c'est plus comme avant. C'est moins, ouais, c'est moins bien. Voilà. C'est moins bien en français. C'est moins direct. C'est moins direct. J'avoue. Les papillons dans le ventre sont partis. Là, après, c'est trop long. Ça va pas. B.B. King, on va le réveiller si on continue à torturer comme ça son titre de chanson. Allez, Innocent. Premier EP 6 sorti vendredi. On continue à explorer ce grand disque dans 30 secondes. À tout de suite. Can be. No one knows her name, she's just a Ici, chaque soir, toute l'actu musicale est dans Décibels. Émilie Mazoyer. Un cœur brisé qui donne un premier album génial, comme on les aime. C'est ce qui se passe avec Innocent. Six est sorti vendredi. Six comme six. Oui, même les très nuls en anglais, ça, vous aviez pu le traduire tout de même. Six, donc, c'est 6 ans de relation, 6 chansons, 6 façons de dire à une personne « Mais reste avec moi ». Alors, on imagine, Innocent, que ça a été fait un peu dans la douleur, cette histoire, puisque c'est une histoire d'amour qui n'a pas fonctionné, dont vous avez fait des chansons. Ce qu'on sait moins, c'est que même le monde entier, vous avez dû avoir l'impression, s'est ligué contre vous, puisque après des années de recherche, d'écriture, etc., quand finalement vous êtes prêt à enregistrer ces chansons, ben, y a le Covid qui est arrivé. Eh oui. Mais c'est terrible, ça. C'est horrible. Mais à mon avis, bon, j'étais pas le seul. Non. Et je pense que j'étais pas le plus affecté musicalement, en tout cas. Mais ça a été vraiment rude. Je pensais que la musique, c'était plus qu'un... Déjà que c'est compliqué de réussir dans la musique. Bon, là, c'était juste impossible. Mais oui, on pense évidemment à tous les artistes qui ont eu leur tournée annulée, leur sortie d'album décalée, etc. C'est vrai que c'était dur. Mais alors vous, à ce moment-là, vous étiez dans quelle situation ? Vous étiez prêt à sortir de votre home studio ? C'était horrible. De votre cave. Je me souviens, le confinement à Bruxelles, c'était en mars. Ouais, mars 2020. Mars 2020. Ça va faire 5 ans. J'étais supposé rentrer en studio en avril. Ah ouais. J'avais tout préparé. Là, j'attendais que ça. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Et alors, comment on fait pour ne pas le prendre pour soi ? Mais écoute, déjà, à mon avis, persévérer dans la musique, on a des galères. C'est vrai. Ça arrive tout le temps et ça va continuer d'arriver. Si vous voulez être tranquille, faites dentiste. Exactement. Oui. Complètement. Ou informaticien. C'est vrai. Mais là, oui. Donc, il y a une espèce de côté philosophe en se disant, bon, oui, c'est un obstacle en plus, mais c'est pas grave. Exactement. Et comment vous êtes alors, finalement sorti de votre cave une fois qu'on a été déconfiné ? Ben, en fait, du coup, dès qu'on a été déconfiné, moi, j'ai commencé à contacter des amis à moi pour commencer à vraiment faire de la musique. Juste vraiment reconnecter. Parce qu'en fait, moi, j'ai passé tellement de temps dans ma cave, même sans le Covid, qu'en fait, à la seconde où le Covid est terminé, je me suis dit, je veux plus jamais bosser seul. La musique, c'est fait pour être partagée, c'est pas fait pour être tout seul. Partageons, voilà ce que ça donne. Celle-là, normalement, vous l'avez déjà dans la tête, parce que ça fait 3 fois que je vous la passe, mais je l'aime trop. On l'a dit tout à l'heure, hein, ce côté « Donne-moi ton âme » de l'amoureux un peu dévoreur. Il y a aussi sur Six cette très belle chanson qui s'appelle « Hold on ». Poser une question de débutante, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui se la posent avec moi. Comment on imagine ces cuivres, ces trompettes dans sa tête quand on écrit la chanson ? Parce que vous jouez pas de ça, vous ? Pas du tout. En fait, de base, toutes les chansons, je les écris à la guitare. D'accord. Et en fait, une fois que je les ai écrites à la guitare, moi, je passe dans mon home studio, dans ma petite cave, avec mon petit clavier, et je bidouille, j'appuie note sur note en essayant de trouver des sons que j'aime bien, jusqu'à arriver à cette ligne de cuivre. Qui est magnifique. Et puis, ne vous dites pas que c'est rétro, parce que c'est tout sauf rétro. Innocent, c'est complètement dans son époque aussi. Maybe we should start again. Ma petite préférée, celle-là, justement, elle a un côté plus électronique. Vous n'avez pas eu envie de choisir entre les cuivres, les chœurs, le côté soul classique et des trucs plus modernes ? Non, pas du tout. Je pense qu'on peut carrément faire les deux. Justement, le truc que j'aime dans Alien, c'est que c'est un côté un peu plus rock. Et du coup, dans ce rock, en enlevant les cuivres, c'est là qu'on amène vraiment le rock. Par contre, si on avait rajouté des cuivres, là, on aurait plus touché à la soul. Ouais, c'est ça. Et ça, j'aimais bien garder le côté vraiment cru du rock. Et ça, c'est un dosage voilà. qui est fait en studio. Alors d'ailleurs, puisqu'on parle de rock, vous avez bossé avec Raoul Chichin. Raoul Chichin, l'enfant Mitsuko, mon Dieu, ce génie de la guitare qu'on adore. Il est en tournée en ce moment avec le rappeur SCH. Il a eu des groupes à lui, Minuit, etc. Ça aussi, c'était important pour vous. Genre, dans les choristes, vous prenez celle de Célassou parce que voilà, vous trouvez que c'est les meilleurs. Le guitariste, vous prenez pareil un super bon et tout. Vous avez fait comme ça. Mais le truc qui est incroyable avec Raoul, c'est que quand je l'ai rencontré, c'était même pas déjà pour être guitariste. C'est pour écrire des chansons. D'ailleurs, Aliens, la chanson qu'on vient d'entendre, on l'a écrite avec Raoul. Ah, c'est drôle. Oui, donc vraiment, vous ne voulez plus bosser tout seul. Je ne veux plus bosser tout seul. Plus jamais. Ouais. On croise les doigts. Évidemment. En tout cas, nous, et en tout cas, moi, déjà, la première, je suis très contente qu'on écoute justement cette chanson Aliens. Elle est sur Six, le premier EP de Innocent qui vient de sortir. It's been a while since the last time we sat down and talked about all the things, about all the shit that's going down. And once again, we put our heads into the ground. No questions asked, both of us unfit to face the facts. And every time I say these words, you act like you don't know. But sadly, every single thing we had don't feel the same no more. But since you're gone, I think I'm done. Maybe we should start again. My picture bit, it's not so bad. I'm blaming. I'm in this empty box on my own, it's getting real wild. Hunted by hollow frames, the picture's not so perfect no more. With every single sound, I'm slowly sinking down to the core. But I won't tell no lies, I fucking lost my mind. I'm numb from all the pain, why did you go away? But since you're gone, I think I'm done. Maybe we should start again. I hope that you listen, that something clicked and now you realize all that you've been missing. But since you're gone, I think I'm done. Maybe we should start again. Ah oui, ça aurait été dommage de ne pas la mettre, cette guitare incroyable. Aliens, oui, alors c'est comme des aliens, mais avec un H devant. Ouais. Attention, explication de texte. Innocent, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? En fait, un alien, c'est en fait une personnification des différentes voix dans ma tête. Ok. Et en fait, ça vraiment représente le moment où, pendant une rupture, quand t'as vraiment... t'aimes une personne énormément, mais à la fois tu la détestes, et tu lui dis... écoute, s'il te plaît, pars pas, mais pars en même temps. Et du coup, c'est un peu ces différentes aliens, donc ouais. ces voix dans ma tête, qui essayent de prendre le contrôle de mon corps et qui sont jamais d'accord et qui n'arrêtent pas de débattre. Ok, alors, parce que bon, depuis tout à l'heure, on tourne autour, mais j'aimerais savoir, pardon, mais ces 6 ans de relation, ces 6 chansons et ces 6 façons de dire à cette fameuse personne, ben, reste, pars pas, ou si, allez, ok, au revoir, goodbye. Est-ce qu'elle les a entendues et qu'est-ce qu'elle en a dit? Mais déjà, elle connaît toutes les chansons. Parce que c'est sorti vendredi, mais peut-être qu'elle avait eu une petite exclue avant. Oui, elle les connaît quand même depuis un bout de temps. Oui. Les chansons datent. D'accord. Okay. et je pense qu'elle les aime bien. Ouais. Je pense qu'elle les aime bien. Elle était au concert à la Boule Noire jeudi dernier. Jeudi soir, ouais. Et ouais, j'espère qu'elle les aime. C'était un premier concert parisien. Donc la Boule Noire, c'est une salle qui est collée à la Cigale, que les artistes aiment beaucoup. Parce que voilà, c'est une salle... Il y a une chaleur, il y a une ambiance. Elle est incroyable, cette salle. Elle est rock. Il fait chaud. Il fait chaud à la C'est boule ça quand noire. Même. Et il faisait très chaud jeudi soir pour le concert d'Innocent. Moi, j'ai couru après l'émission, donc j'ai chopé que la fin du concert, mais j'ai vu que c'était dingue. C'était donc officiellement le premier concert parisien. Même si j'imagine que, et je l'ai vu sur vos réseaux, vous vous baladez avec votre guitare, de temps en temps, vous faites des vidéos à droite à gauche. Mais est-ce que c'était un accomplissement déjà ? C'était un truc que vous aviez visualisé, je sais pas, dans votre cave il y a 5 ans, et qui enfin est arrivé ? C'est beaucoup plus, c'est plus gros que ce que j'avais visualisé dans ma cave. En fait, la Boule Noire, quand à chaque fois que je veux découvrir un artiste à Paris, c'est dans cette salle. C'est dans cette salle que je vais. Ok. Et je l'ai découvert assez tard, cette salle. Et dès que le premier artiste que j'ai vu là-bas, je me suis dit un jour j'aimerais tellement jouer. Et en fait, le fait que ça soit arrivé jeudi, je réalise toujours pas que j'ai fait la Boule Noire. Et on l'a remplie. Ben oui, Boule Noire complète. Il y avait des gens qui faisaient la queue sur le trottoir et tout. Non, ça rigolait pas. C'était un vrai succès, ce concert. Vous avez envie d'en faire d'autres ? C'est quoi le plan ? Ça se prépare là en ce moment ? Mais écoutez, on est en train de préparer plusieurs autres concerts. Ouais. Mais en tout cas, le prochain concert là, c'est ce samedi à Botanique. Botanique, c'est, on parlait de salle mythique avec la Boule Noire, le Bota, comme on dit à Bruxelles. Non mais c'est vrai, c'est un endroit qui est génial. Et en fait, c'est un concert que vous partagez avec d'autres espoirs de la nouvelle scène belge. Quoi. C'est la première fois que je vais pouvoir monter sur la scène du Botanique. Pour moi, ça représente beaucoup. En plus de partager cette scène avec tous ces autres talents, enfin, j'attends que ça. Et qu'est-ce qu'il va chanter ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, des sorcelleries. Maybe it's better if we... If we're just not meant to be, maybe it's better if we try not to believe. I've seen this before, that look in your eyes. What if we still gave it a try? But if we didn't make it by now, doesn't mean we say goodbye. Et en plus, il est beau. Pardon, je vous explique. Non, mais c'est-à-dire, à un moment, il va falloir qu'on trouve un défaut. Googlez-moi ce garçon. Innocent. I-N-N-O-C-N-T. Pourquoi avez-vous enlevé le E ? Je crois que votre nom de famille, c'est Innocent. Exactement. C'est Donc, ça, mon hein. nom de famille, c'est Innocent. J'ai une famille de musiciens. J'ai une famille d'artistes. Et en fait, je voulais un peu me différencier dans cette grande famille musicale que j'ai. Et du coup, je me suis dit, pour garder le même nom en anglais que Innocent, ouais. On peut enlever le E. J'aime bien, voilà. En plus, il a une réponse à tout. Toutes les bizarreries, le H de Aliens, il manque le E dans Innocent. Ah non, moi je suis conquise. Il y a une chanson qui, je crois, est votre préférée sur ce premier EP. Elle s'appelle Sober. If I was sober, I could say... My darling, please don't go away. I heard a man is supposed to talk. De quoi elle parle, celle-là ? Alors, on est toujours dans les histoires d'amour, mais c'est quel stade ? Ben écoute, ça, c'est la chanson où j'étais le plus bas dans ma vie. C'était un des moments les plus sombres de ma vie, cette chanson. Et comment ça devient une chanson préférée, alors ? Parce que, en fait, c'est la première fois que j'ai réalisé que je pouvais faire de la musique. Parce qu'en fait, cette chanson, je l'ai écrite après avoir perdu ma meilleure amie. Ma copine de l'époque, mon ex, est partie juste après. Ah oui. Et du coup, j'étais un peu au fond du trou. Et en fait, de double deuil. Exactement. Ouais. Qui a été assez rude. Et en fait, c'est la première fois que j'ai écrit une chanson et je l'ai réécoutée et je me suis dit, waouh, j'ai réussi à transcrire exactement ce que je voulais, ce que je ressentais dans une chanson. Ouais. Et que le public adhère ou pas. Moi, je suis tellement fier de moi. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est là que je me suis dit, OK, je pense que je peux y arriver. Je peux faire de la musique. Bah oui, ça vous pouvez, oui, je vous confirme, vous savez bien le faire. Mais oui. Oh là là, Innocent. Est-ce que vous pensez qu'il faut forcément être dans un état comme ça très, très fragile pour fabriquer de la musique, ou bien vous pourriez écrire heureux ? Là, vous avez l'air très content en ce moment. Est-ce que vous écrivez des chansons ? Mon premier EP est venu quand même d'un endroit de souffrance. Ouais. Et ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce qu'il faut être vraiment brisé, entre guillemets, pour faire du bel art, un bel art ? Parce qu'il y a des artistes qui font ça. Moi, j'en connais, je ne vais pas donner de nom, mais qui font exprès de planter des histoires d'amour pour être triste, pour écrire le prochain album. Complètement. C'est à devenir dingue. Je sais que Amy Winehouse, elle faisait ça aussi. Mais je pense que moi, ce que j'aimerais vraiment faire, comme j'adore écrire des chansons, j'ai envie d'utiliser en fait l'empathie pour essayer, comme un acteur, d'enfiler des fois aussi des rôles. C'est-à-dire qu'un acteur n'a pas besoin d'avoir vécu une situation pour la jouer au cinéma. Je pense qu'en tant qu'écrivain, en tant que compositeur, tu peux faire la même chose. Et ça veut dire alors possiblement écrire même pour d'autres, si on vous passe commande, parce que je disais tout à l'heure, en ce moment, en Belgique, tout le monde parle de vous, dès qu'on allume la radio, dès qu'on allume la télé, c'est innocent partout. Donc s'il y a un artiste belge ou français qui vous dit vous pouvez m'écrire des chansons, vous y allez. À 100%. Ah, oui. Bon, alors c'est que le début de l'aventure, vous l'avez bien compris. Avant de se dire au revoir, on écoutera Mallory, c'est le nouveau single. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette Mallory avant de la découvrir ? Mallory, c'est une des chansons que j'ai écrites sur vraiment le tout début de ma relation, vraiment c'est le tout début. Et Mallory, en fait, c'est pas la fille en question, c'est pas mon ex en question. C'est pas... Ouais. Non, c'est qui, Mallory, c'est la... C'est qui celle-là ? Mallory, c'est la, en fait, c'est la meilleure amie de ma copine justement. Ouais. Qui en fait, quand on était enfant, j'avais l'impression, ado en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de romantique entre elles. Et je demande à Mallory, un peu comme Jolene dans Dolly Parton, ouais. Je dis à Mallory, écoute, Mallory, ne prends pas ma copine. Même si tu peux, ne le fais Exactement. Pas. Exactement. Ok. Mallory, découvrez-la sous un jour que vous n'aviez peut-être pas imaginé donc, sur Six, le premier EP de Innocent. Ça vient de sortir, eh bien, nous n'avons rien pour trinquer, mais c'est pas grave, je trinque à plein d'autres EP et des tournées et des clips, etc. etc. Et merci d'être venu nous voir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Innocent est ici. Mallory, tell me what you want from me. Take my girl away from me. In the middle of the night, she whispers a sound that makes up the letters of your name and buries me in doubt. This underlying truth that haunts my every moment. It's hard with no warning. She's coming after you. 'Cause if she loves on your spot, will it tear our love apart? With the tale you share, so many years of history hanging in the air. From Brussels to Paris, I'm walking where the streets are safe. 'Cause I know that Mallory will never be too far away. 'Cause if she lies on your spot, will it tear our love? mais ce coup de cœur, je vous jure, il est génial, cet artiste Innocent, premier EP Six, et la chanson que vous venez d'entendre s'appelle Mallory. 19h47, vous écoutez Ici, c'est déjà bien, mais j'ai envie de vous faire bosser. Décibel, chaque soir dès 19h. C'est Ici. Parce que nous sommes le 27 janvier, le duel du jour est consacré à des chansons qui sont en résonance avec la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Il se trouve que ce jour-là a été décidé, je crois que c'est pour toute l'Europe, hein, dans la Commission européenne, ce jour du 27 janvier, puisqu'il marque la découverte par l'armée rouge du camp d'extermination d'Auschwitz en 1945, puis donc la libération de ce camp. C'était donc il y a 80 ans, jour pour jour, on vous en parle depuis ce matin. Il y a d'ailleurs un dossier très très complet sur ici.fr et sur votre application Ici. N'hésitez pas, il y a des témoignages de survivants d'Auschwitz, etc. Et puis, moi, à mon petit niveau qui n'est que musical, comment faire ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un paquet d'artistes qui veulent aussi que cette mémoire existe et qui font pour ça de très belles chansons, sans doute plus efficaces que certains longs discours. Alors, ce soir, dans le duel, deux chansons de cet acabit. Il y a Anne, ma sœur Anne, de Louis Chédid. Anne, ma sœur Anne, en écrivant ton journal du fond de ton placard. Anne, ma sœur Anne. Où il se désole, Louis Chédid, il dit à Anne Frank qu'il la voit revenir la nazie nostalgie. Lerita Mitsouko, même tarif hein, avec le petit train qui est un train de la mort. Et Catherine Ringer qui demande si ce train roulera encore. Il faut savoir que Catherine Ringer, c'est la fille d'un artiste peintre, Sam Ringer, qui avait été déporté, qui était passé par 5 camps de concentration différents pendant la guerre. Alors voilà, une de ces deux chansons marquera pour nous cette journée du 27 janvier. On l'écoutera tout à l'heure aux alentours de 20h15 et c'est à vous de choisir laquelle pour voter entre Louis Chédid et Lerita Mitsouko. Rendez-vous sur le compte Instagram de l'émission, @icidécibel, avec un S à décibel. Vous allez dans notre story, vous trouverez le duel. Il n'y a plus qu'à cliquer, Louis Chédid ou Rita Mitsouko. Et bonsoir à Philippe, notre auditeur programmateur du jour. Salut Philippe. Salut Émilie. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. On a passé le Blue Monday, maintenant on est sur le bon côté de la colline. Donc... Ça y est, le plus dur est fait, 27 janvier, mais on peut encore se souhaiter bonne année. Oui, tout voilà. À fait. C'est vrai. Donc, voilà. Je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite que quelques-uns de tes rêves se réalisent cette année, Émilie. Ah oui ! Ah bah pareil pour toi, Philippe. Ça, c'est un bon truc. On dit aux gens santé, bonheur, argent, machin. Mais je te souhaite que quelques-uns de tes rêves se réalisent. C'est très beau. Quel poète. Philippe est très fort. Philippe, comment va la vie ? Dis-nous avant de nous faire découvrir un groupe qu'on ne connaît pas. Écoute, la vie va plutôt bien. Hein. Il y a dans la région lyonnaise, il y a de la neige qui est tombée dans les Alpes, donc on a pu aller en profiter un petit peu. Et puis, il y a toujours plein de concerts dans notre région, donc écoute, on y est plutôt bien. Formidable. Alors, le groupe dont tu vas nous parler, qui s'appelle Dieter, D-I-T-T-E-R, c'est en concert que tu les as découverts ou comment ? Oui, bien sûr, ouais, je les ai découverts sur scène, je ne les connaissais pas du tout. Je suis allé voir au Marché-Gare à Lyon, ils étaient en première partie des New Yorkais de Bodega, un groupe un petit peu indé, très sympa. Et en fait, ils ont mis le feu, ce groupe, avec leur énergie communicative. Et moi et tout le public, on a vraiment kiffé. Quoi. Ils ont fait notamment une reprise de Kylie Minogue, Can You Get Off of My Head, ah, oui. En plus énervé, en plus club. Ah, pas mal. Ça, ouais. C'est drôle. C'était plutôt sympa. Donc, je me suis intéressé à ce trio parisien qui est composé donc de Rosa, la chanteuse, de François, le guitariste, et de Samuel, le bassiste. Hein. Ils ont une boîte à rythme, ils n'ont pas de batteur. Et j'ai découvert qu'ils avaient sorti un premier disque de 5 titres l'an dernier qui s'appelait Me, Money and Politics. Et puis, et ben, voilà, j'ai bien apprécié la chanteuse, notamment Rosa, avec un look un peu à la Courtney Barnett, et puis une voix qui oscille entre, on pourrait dire, Mademoiselle K et Billie Eilish, hein, le spectre très large, ah mais oui. une très belle voix, et voilà, avec des, donc des morceaux qui ont péchu, mais des paroles aussi ben, à s'engager, comme par exemple dans le titre que j'ai proposé ce soir, The Right Things, qui est un peu une satire sur la course infernale à être toujours la meilleure version de toi-même, mais qui poussait à l'excès, plus souvent à être bah, pas terrible, un peu néfaste, quoi. Donc, fais juste les choses bien, c'est ce qu'ils nous disent ce soir dans ce titre, quoi. Voilà. Eh ben merci, donc, Philippe. Belle surprise. Ouais, belle surprise et belle philosophie. On aime bien ça. Diteur, c'est la découverte de notre auditeur programmateur, Philippe. Tu sais où on habite et tu reviens quand tu veux, ok? Avec grand plaisir, Émilie. Et voici Diteur. You work hard on your ego, slop and you're emotionally full of dirt, crawling down in the fence. You're lost, walking on crumbled shells. Your cause, mom and dad didn't prepare you so, but got no time to grizzle, to grizzle. See you get stuck in the middle, I told you to let things go. Don't think twice, do things right. Don't think twice, do things right. Right. Diteur, do right things, do things right. Je ne sais plus dans quel sens il faut le dire. Philippe m'a collé le doute en tout cas. Merci à lui pour cet excellent choix d'auditeur programmateur. Diteur en tournée un peu partout en France, ça sera au printemps. Voilà, si vous aimez les trucs qui commencent un peu électro à la Billie Eilish et qui finissent en total punk, on adore. Bientôt 20h, c'est l'heure de la chanson anniversaire. Alors, ayons une pensée pour l'écrivain américain à qui on doit l'attrape-cœur, Salinger. C'est l'anniversaire de sa mort. Il est mort il y a 15 ans, en 2010. Il avait 91 ans et il y a un groupe français qu'il adore. C'est Indochine qui réclamait des fleurs pour Salinger. C'était en 90. We'll be right back. d'Indochine. Oui, je m'entraîne à chanter. Excusez-moi des fleurs pour Salinger, puisque la tournée d'Indochine commence demain soir à l'Arena du Pays d'Aix. Première date d'une énorme tournée partout en France. ICI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 3 heures. Celles et ceux qui, entre 19h et 21h, ont une vie sociale, une vie amoureuse, une vie professionnelle, que sais-je ? Eh bien, il y a la rediff de nuit de Décibel. Bonne nuit, les amis, et bon Décibel. Ici, avec Émilie Mazoyer, c'est Décibel. One, two. Rebonsoir à celles et à ceux qui arrivent en route. Écoutez, vous avez raté la première heure de Décibel, mais vous n'avez pas raté Marine et Bonnie de la Star Academy. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Bravo à toutes les deux. La France entière vous applaudit. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de monde devant la télé, devant une finale de la Starac. C'était samedi soir. Et vu vos petits yeux, je me demande combien d'heures vous avez dormi depuis samedi soir, mesdames. En tout ? Ah, pas beaucoup. Non, moi, c'est pareil. Je suis à 3 heures par nuit, à peu près. 3 heures par nuit, c'est pas des masses. Et Bonnie, même chose ? Cette nuit, j'ai un peu plus dormi. Je pense qu'en soi, je dois être en cumulé peut-être 7 heures. Ok. Ah. En deux nuits. De toute façon, c'est pas beaucoup. Bon, félicitations à toutes les deux. Marine est sortie victorieuse de la Star Academy. Et donc, Ebony, vous étiez finaliste. J'allais dire face à Marine. Mais non, j'ai envie de dire, en fait, avec Marine, j'ai l'impression que la gagne et la compète, c'était pas tellement un sujet pour vous deux. Hein. Non, non, pas du tout. Je pense que c'est pendant toute la promo de tout le monde, on n'avait pas trop cet esprit de compétition. On voulait avant tout profiter tous ensemble, donc pendant la finale, c'était un peu le cas aussi. Ouais. Et puis, on a dit, et c'est pas faux, que c'était une édition particulièrement féministe de la Starac. C'est donc fort agréable de voir deux filles finalistes l'an dernier, puisque, bon, bah, moi, l'année dernière, j'étais avec Pierre et Julien, que j'adore, que j'embrasse, bravo les gars. Mais voilà, ça sentait un peu le vestiaire de foot. Là, ça fait plaisir de vous voir toutes les deux. Est-ce que vous avez senti ça, une sororité ou quelque chose de ce type? Oui, bah, c'est vrai que depuis le début de l'aventure, on défendait tous un peu des valeurs similaires. Et là, on était contentes. Quand on a su que c'était une finale à deux filles, on s'est dit, ah bah, cette fois-ci, ce sera 100% féminine par rapport à l'année dernière. Ouais. Un peu de changement. C'est ça, avec une marraine, Clara Luciani, qui a posté hier sur les réseaux un joli message s'adressant à vous deux. Vous l'avez vu? Moi, je ne l'ai pas vu encore. Non, moi non plus, je ne sais pas. C'est-à-dire que, vu qu'elles ont rallumé leur portable après 3 mois... Il y avait certainement énormément de notifications. Et donc, le message de Clara Luciani, c'était de dire bravo à Marine, de lui souhaiter évidemment la meilleure route possible et de dire à Ebony, attention Ebony, jurisprudence Olivia Ruiz, même si on ne gagne pas la Starac, faut pas se décourager et on peut faire une belle carrière. Je ne sais pas s'il est trop tôt pour vous poser cette question de déception ou pas. Je ne sais même pas si c'est très élégant de vous demander, mais tant pis, allez, je vous demande. Vous êtes déçue, vous êtes comment? Ah, tu me vous vois, ça m'a déjoué. Vous ah, vous pardon, oui. Ah, bah, oui. C'est le tarif ici. Oh, hein. Je crois que tu me parles, désolée, je peux te tutoyer ou pas? Oui, bien sûr, Ebony. J'ai cru que tu me parlais à nous deux, j'ai bugué, j'ai dit, je comprends pas. Donc, non. Mais Bonnie, est-ce que toi, tu es déçue un petit peu? Bah, en fait, c'était plutôt c'était un mélange en fait. Sur le moment, j'étais très contente pour Marine, je l'ai prise dans mes bras et tout. Et puis en même temps, il y a ce truc-là de, ah bah ok. J'ai pas gagné et tout, mais c'est pas grave. En fait, moi, il m'a pas fallu longtemps, en fait, après, dans la soirée, on me dire, mais en fait, c'est pas grave, c'était la cerise sur le gâteau, je l'ai pas eu. Mais c'est déjà une grande victoire d'être arrivée jusqu'en finale. Et aujourd'hui, vraiment, je suis détendue avec ça et tout va bien. Et la gagnante, alors, comment elle se sent? Ça doit être un océan d'émotions, non? Ouais, ça va, c'est beaucoup de choses d'un coup. J'avoue, j'ai eu du mal à réaliser. Au début, j'étais un peu à l'ouest, en fait, toute la soirée, même dans les jours, les petits jours qui ont suivi, là, je réalisais pas trop. Ouais. Mais dimanche un peu chelou. Ouais, mais je suis trop contente, forcément, c'est incroyable. Allez, on va écouter l'hymne de la Star Academy de cette année, signé Santa. C'est une artiste que vous avez pris plaisir à rencontrer? Oui, ouais, vraiment. On l'a rencontrée tôt, en plus, c'est ça. C'était génial. Recommence-moi, c'est Santa. C'est ici, dans Décibel. On a le plaisir, ce soir, de recevoir Marine et Ebony, les finalistes de cette saison qui vient de s'achever. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout, je remettrai de l'ombre sur mes paupières. Je te sourirai sans larmes et sans prières. Et s'il ne reste plus rien, oh, du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, tourne, tourne, ce sera la nôtre. Et si le temps change, De la Star Academy 2024-2025, Recommence-moi, c'était Santa, et ce soir dans Décibels, on est avec Marine et Ebony. Normalement, si j'ai bien vu les chiffres et les audiences de samedi soir, vous avez vu cette finale de la Star Academy qui a fait un score absolument incroyable. Marine, comment vous vous imaginiez la Star Academy et est-ce que l'aventure a ressemblé à ce que vous pensiez ? Franchement, je l'imaginais presque exactement comme ça, je crois. Ouais, c'est vrai? Ouais. Bon, bien sûr, je ne savais pas jusqu'où j'allais aller, mais dans ce que j'ai vécu, c'était incroyable. Toutes les rencontres qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a eu la chance de vivre, franchement, c'est trop bien. Et Bonnie, passer de l'autre côté de l'écran de télé, pareil, pas tellement de surprises. Ça ressemble à ce qu'on imagine quand on y est? Ça ressemble à ce qu'on imagine, mais je pense que moi, derrière mon écran, je n'imaginais pas que c'était aussi intense, ouais. Que ça demandait autant. Parce que c'est une aventure qui est géniale, qui est fantastique, mais qui est aussi pas facile, je pense, dans le sens où on fait énormément de choses, et donc c'est aussi fatigant. Mais c'est, en fait, moi je suis très contente d'avoir été fatiguée pour réaliser mon rêve et d'avoir fait autant. Vous avez chacune sorti la semaine dernière un single. Alors, on écoutera tout à l'heure Ma Faute. Ça, c'est Marine et Unforgettable pour Ebony. Mais avant, j'aimerais justement qu'on écoute quelques notes de l'album de la promo 2024, juste pour se rendre compte justement de l'évolution. Parce que cet album, il a été enregistré quand même assez tôt dans l'aventure. Marine, on vous entend sur Qui a le droit, donc reprise de Patrick Bruel. On m'avait dit, faut écouter. Son père, le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit ? Est-ce que vous vous reconnaissez ou est-ce que vous avez déjà évolué par rapport à cet enregistrement ? Bah, j'ai l'impression que c'est plus tout à fait la même voix aujourd'hui. Ouais, ça, hein. Ça paraît un peu plus jeune presque dans l'enregistrement, mais ça va, j'arrive à reconnaître quand même mon timbre ouais. De voix un peu. Et Bonnie, vous aviez enregistré La Vie en Rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Version vitaminée Allez, go, go, go. Tempo de La Vie en Rose. Même question pour Marine. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, puisque, voilà, entre-temps, vous avez pu enregistrer vos chansons à vous, quoi. Oui, voilà, j'entends... c'est hilarant. Mais j'entends que ma respiration est un peu haute. On entend beaucoup mes grosses prises de respi. Non, mais c'est ouf. Mais je me reconnais, en vrai, ça va. Mais je sens que mes aigus sont plus les mêmes. Enfin... J'ai un peu progressé sur ça aussi, mais j'aime bien quand même le rendu, c'est cool. Donc il y a quand même un vrai truc, un vrai, on parlait de travail tout à l'heure, il peut y avoir une vraie transformation dans votre personne artistique en 3 mois. Ouais, bien sûr, carrément. Carrément, c'est des vrais cours en fait, une vraie progression qu'on observe, bon, elle est plus ou moins grande en fonction d'où on part, etc. Mais franchement, on apprend vraiment, ouais, que ce soit en danse, en théâtre, en chant, c'est fou. C'était quoi le plus gros défi pour chacune ? Parce que la voix, enfin, on va pas se mentir, dès le premier jour, oui. On a bien vu que vous chantiez très, très, très bien toutes les deux. C'est sans doute pas la voix le plus gros. Non, j'avoue que pour moi, c'était plus l'interprétation, le fait de vivre vraiment la musique sans juste la chanter, réussir à utiliser mon corps, l'expression scénique. Bon, on n'y est pas encore à 100%, c'est sur la route, mais ouais, j'ai déjà progressé, je pense. Ouais. Et vous, Ebony ? Je pense que je sais pas si je m'étais vraiment lancé de défi avant de commencer l'aventure. Mais j'ai réalisé quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que je pensais pas que j'étais capable de faire, c'est danser et chanter en même temps. Oui, alors qui n'est pas une mince affaire, hein, parce que nous, on ne se rend pas compte, on vous voit faire, on a l'impression que c'est facile, ça n'est pas le cas. La respiration, non, c'est une... La respiration, c'est vraiment pas facile, mais les répétitions, et c'est des petits trucs qu'on sait, je ne sais pas si tout le monde l'a vu encore, je n'ai pas regardé les quotidiennes, mais aux répétitions avec Kamel Wally, à un moment, j'étais au bout de ma vie, le souffle, c'était... hyper compliqué, hein, au bord de la crise d'asthme, vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça a été un taf de ouf et finalement j'ai réussi à faire les deux. Mais c'est vrai que chanter et danser en même temps, c'est très sportif, ça demande beaucoup. Et Marine, bah, tu t'en es rendu compte aussi avec I Am What I Am. Oui, c'est vrai, que... c'était moins chorégraphié, c'était plus des pas plus simples, mais c'est vrai que c'était pas évident. Marine, grande gagnante de la Star Academy, et Bonnie, qui était avec elle en finale, toutes les deux, vous avez, ça y est, sorti des chansons qui sont les vôtres, cette fois-ci, pas des reprises. Marine, votre titre s'appelle « Ma faute ». Alors, elle existe depuis quand, cette chanson ? 2022, 2021, en fait. C'est la première que j'ai écrite et composée toute seule, dans ma chambre. Donc, voilà, elle est née un petit peu de deux mois, d'une relation que j'ai vécue, qui m'a inspirée, de ce que j'ai pu voir aussi autour de moi. Je l'avais enregistrée, c'est vrai, une maquette avec mon père, en fait, qui m'avait fait un petit studio dans ma chambre. Et au final, là, j'avais envie d'en sortir une version plus pro, en fait, un petit peu réarrangée. Ouais. Et vous et Bonnie, votre chanson s'appelle Unforgettable, mais pour ceux qui sont bien bilingues, ne vous en faites pas, vous allez comprendre. Celle-ci aussi, Ebony, elle est prête depuis longtemps. C'est une chanson que j'ai écrite et composée quand j'avais 15 ans. C'était autour de 2020, je crois, quelque chose comme ça. Et que ouais, j'avais commencé, que j'ai retravaillé avec des auteurs après, qui a évolué dans l'histoire et dans le texte. C'est une chanson que j'ai écrite après un chagrin d'amour, il y a longtemps. Et ouais. Comme quoi ? Non, mais ça sert à quelque chose, les chagrins d'amour. Suffit-il de savoir le transformer en art, en musique, en chanson, en poésie ? C'est fou quand même la vitesse à laquelle ces chansons-là arrivent, à quel point on vous sent prête toutes les deux à commencer tout de suite, finalement, à proposer des choses. Je vais faire la vieille, tant pis, mais il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, dans les premières Star Academy, ou d'autres télécrochets, d'ailleurs, Nouvelle Star, etc., les élèves sortaient, ils cherchaient très vite des auteurs, des compositeurs, il y avait beaucoup d'interprètes, vous composez, vous écrivez de la musique, mais c'était essentiel pour vous. Vous n'y seriez pas allé si vous n'aviez pas déjà eu des choses à présenter ? Je pense que j'aurais pu y aller quand même, mais c'est vrai que c'est un atout, parce que c'est toujours bien d'écrire ses propres chansons, d'avoir son vécu, son histoire personnelle. Après, je pense qu'on peut très bien réussir aussi en étant juste interprète et en s'entourant d'auteurs-compositeurs. Mais pour vous, en tout cas, l'idée, ça a toujours été de chanter vos chansons à vous, quoi. Ouais, moi, en tout cas, oui. Je suis ouverte à travailler avec d'autres artistes, d'autres auteurs et des compositeurs. Mais pour moi, c'était important d'arriver avec ma patte et avec moi, les histoires que j'ai à raconter et qu'on m'aide à upgrader un peu tout ça. Mais moi, je sais que les chansons que j'ai envie de défendre, j'ai envie que ça parte de moi. Et c'est cool, je trouve que pour le public aussi, c'est bien parce que ça fait 3 mois qu'ils nous regardent, qu'ils apprennent à nous connaître. Et c'est bien que la première chanson qu'on montre, ça part de nous et ça parle de notre histoire aussi, c'est cool. Évidemment, vous avez vu l'an dernier la sortie, notamment de Pierre Garnier, l'énorme tournée qui, chaque semaine qui passait, en fait, il y avait des dates qui étaient ajoutées, etc., des Zéniths, un Bercy, enfin, des très, très grosses salles. Et puis ensuite, le carton de son album, ça fait flipper, ça fait rêver, ça fait envie. Est-ce que vous avez repensé à son parcours à lui, maintenant que, ça y est, vous êtes à sa place? Bah, c'est sûr que ça donne envie de faire la même chose, la même carrière. C'est incroyable ce qu'il a vécu. C'est fou, c'est inspirant, je trouve. Ouais, et c'est intimidant ou pas? Bah, je trouve que c'est ça qu'elle a dit, c'est inspirant en fait. C'est pas flippant, ça fait pas. C'est juste, tu te dis, waouh, le mec, il a réussi. Il a eu un parcours de ouf. Il a eu les bonnes chansons au bon moment. Il a une belle plume et c'est un très beau. Il fait des très belles mélodies aussi. Et juste, on dit, ok, si lui, il a pu faire ça, j'aimerais aussi faire mon bout de chemin et même faire la moitié de ce qu'il a fait. Ou ça serait déjà génial, quoi. Vous avez pris plaisir à chanter ensemble, Ebony et Marine? Ah, énormément. Ouais, carrément. C'était vraiment génial. Vous allez chanter ensemble sur la tournée? J'espère. Ah bah, il faudrait proposer de refaire les chansons qu'on a fait sur le prime de la finale. Il y en a une qui vous a marqué particulièrement ou Moi, vraiment, là, toutes celles qu'on a chantées ensemble, j'ai kiffé. Hein, que ce soit Never Enough, c'était chaud quand même. Mais je ne sais pas si on pourrait la refaire tous les soirs, hein, plusieurs fois par jour. La gorge serrée. When You Believe, c'était trop bien. When You Believe, c'était franchement, bien. C'était un de mes meilleurs primes en termes de chansons, j'étais trop contente. Ouais, moi aussi j'étais très contente, c'était trop bien. C'est avec cette chanson-là qu'on va se dire au revoir. Alors, When You Believe, Mariah Carey et Whitney Houston. Marine et Ebony, merci d'être venue nous voir. Merci. Et puis, si vous voulez entendre Ebony, Marine, raconter leur parcours à la Star Academy et puis vous parler plus en longueur de leur projet artistique, alors rendez-vous sur ici.fr ou sur votre application Ici, le podcast de Romain Frézu, Génération Star Academy. Merci à toutes les deux. Merci bonne route, beaucoup. Bonne route et bravo. Merci. Merci, merci. Many nights we pray with no proof anyone could hear. In our hearts a hope for song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. It's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you now. Sacré duo, hein. Maria Carey, Whitney Houston, When You Believe, c'était sur la bande originale du film d'animation Le Prince d'Égypte. Vous vous en souvenez? C'était en 1998. Oui, l'année où on a été champion du monde de foot aussi, on a écrasé le Brésil, je sais. Mais voilà, il y avait ça aussi, le prince d'Égypte au cinéma, et donc Maria Carey, Whitney Houston, des divas incroyables en duo. Il paraît que ça s'est négocié à la virgule près, hein, le nombre de mots que chacune chantait, qui commence, mais qui termine, et tout ça a été une grande négociation entre deux grandes voix et deux équipes assez musclées. Paraît-il, peut-être qu'un jour, on aura toute l'histoire derrière cette chanson. En attendant, là, c'était un duo beaucoup plus tendre, nos deux finalistes de la Star Academy, Ebony et Marine, la grande gagnante, qui étaient donc les invités de Décibel et la tournée de la Star Academy qui commence dans la grande salle d'Épernay le vendredi 21 février. Elles ont moins d'un mois pour être prêtes et on espère qu'elles chanteront ce duo, évidemment. Ici le soir, Décibel. Toute l'actu musicale. Il n'était pas facile hein, le duel ce soir parce que c'était deux chansons importantes, deux chansons qui ont un rapport avec la date du jour. Nous sommes le 27 janvier, c'est la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. C'est aussi les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et il se trouve que voilà, la Shoah a une place, la mémoire aussi, dans la chanson française, la pop, le rock. On avait donc face à face Louis Chédid avec Anne Sœur Anne et Lerita Mitsouko avec Le Petit Train et avec 56% de vos votes. C'est une victoire d'Erita Mitsouko, une version qui a été enregistrée sur l'album Marc et Robert en 1988. Et je rappelle hein, que Catherine Ringer est fille de déportée. Quand le soleil Mais moi, je suis quand même là, chante Catherine Ringer, fille de déportée. C'est vrai que c'est une phrase importante aussi à dire pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de déportés, notamment en ce 27 janvier 2025, donc les 80 ans de la découverte puis de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. Si c'est un sujet qui vous intéresse, si c'est un sujet pour lequel vous cherchez de l'info, sachez qu'il y en a sur ici.fr et votre application. Ici, la rédaction vous a préparé un dossier sur les commémorations du jour. Décibel, chaque soir dès 19h. C'est ici. Alors lui, va-t-il commémorer sa 50e maison en or? Sans doute. The Weeknd, l'artiste pour qui tout roule depuis déjà pas mal d'années, va sortir vendredi un nouvel album. Il s'appelle Hurry Up Tomorrow, Dépêche-toi demain. The Weeknd, ça va être son 6e album et c'est la conclusion d'une trilogie d'albums. Il y avait After Hours, Don FM et Hurry Up Tomorrow. Et il dit que ce sera son dernier album sous le nom de The Weeknd. Alors écoutez, profitons-en pour le réécouter. On aimait bien, nous, ce The Weeknd. Et notamment ce tube inoxydable, Blinding Lights. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around the since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're sunlight up the sky, so I hit the road in overdrive, baby. Exceptionnellement longue pour ce tube de The Weeknd sorti il y a plus de 5 ans et qui est toujours pas cramé. On est toujours content de l'entendre. Blinding Lights, nouvel album pour The Weeknd vendredi. Et Blind Test dans vos oreilles dans 30 secondes. À tout de suite ici. En 2025, France Bleu devient ICI. ICI, le nouveau nom de votre radio locale. ICI. Trois lettres pour une promesse. Être plus que jamais la radio la plus proche de vous. Ici et nulle part ailleurs. Ici. Ici. Le média qui vit comme vous. Ici. Grand frais. Bon les gars, c'est le coach. Cet après-midi, vous allez faire l'entraînement sans moi. Hein. Je peux pas, j'ai grand frais. Dans leur équipe, il y a que des vrais pros. Disons que ça me change, hein, c'est... Chez Grand Frais, nos experts passionnés connaissent leur métier par cœur. N'hésitez pas à leur demander conseil. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais ! Le meilleur marché. IKEA ! Bon, pour la nouvelle cuisine, pile on prend le four, face on prend le lave-vaisselle. Ok, lance la pièce. À nous là ! Allez, dis-moi ! Four ! Yes ! Oui ! Pourquoi choisir ? Jusqu'au 11 mars, pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 3000 euros, bénéficiez de 400 euros de réduction immédiate sur vos électroménagers avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Ici, chaque soir, toute l'actu musicale est dans Décibels. Émilie Mazoyer. Le blind test, c'est maintenant. Il sera suivi du festival Idéal. Ce soir, sur notre grande scène, Louise Attaque, Johnny Clegg et Maxime Le Forestier. Et Johnny Clegg, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je vous le dis, c'est une représentation spéciale où il chantait avec le chœur gospel de Soweto. Et c'est très très beau. Donc voilà, à ne pas rater, ce sera dans la dernière partie de l'émission. Pour le moment, je vous l'ai dit, on joue avec Marie-Hélène et avec Kevin. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Émilie. Bienvenue dans Décibels. Marie-Hélène, comment ça va ? Ah ben très bien. Super émission là. J'ai découvert un artiste innocent là. C'est génial. C'est vrai. Oh mais je l'aime trop. Ah, ouais. Mais j'ai eu un coup de foudre. Mais vraiment. Ah ouais. Vraiment chouette. Ah ouais, sa voix est géniale. Ah ben ça me fait plaisir. Marie-Hélène, merci. Merci. Kevin, était là aussi en début d'émission ou pas ? Ah oui, tout à fait. Allô. Ouais. Super, oui, c'était super, oui. Bon, eh ben tant mieux. Alors, si tous les deux vous êtes de bonne humeur et satisfaits de la programmation, on va pouvoir jouer ensemble au blind test dans la joie et la bonne humeur. À gagner ce soir, ce sera à négocier avec Laura au Standard. Il y a soit l'album de Cassav, leur dernier album live, qui est très cool, ou alors l'album des 20 ans, Le Chemin, de Kyo. Voilà. Donc vous verrez ça avec Laura. Et pour le moment, donc on joue Kevin et Marie-Hélène avec des chansons de 1991. Un bon cru, hein, une bonne année musicale. Et il va falloir. Ça coupe, je n'entends rien du tout. Ah mince, Marie-Hélène, tu ne nous entends pas ? Non, ça coupe. Ça coupe. Alors, ça ne sent pas bien. Ouais. Pas de problème. Alors, on va essayer peut-être de se mettre dans un endroit où ça capte, ou je ne sais pas. Kevin, il n'y a pas de... Oui, je vous attends, je vous entends. Bon, Kevin, il nous entend bien. Déjà, on en a un sur les deux, c'est pas mal. Marie-Hélène... Là, je ne bouge plus. Ah ben voilà. Allez, on fait comme ça. Et puis, on contrôle ça, il n'y a pas de problème. Première chanson donc de 1991, vous allez devoir retrouver le plus rapidement possible le nom de l'interprète de cette chanson. Un point par bonne réponse, on y va. Mylène Farmer. Marie-Hélène. Wow. Ça va très très vite, ça joue très très vite. Bon. C'est Nadal et Federer à Roland-Garros. Je me suis pris deux aces dans la tronche là. Marie-Hélène, Kevin, bravo. Oui, Marie-Hélène avait trouvé bien sûr Mylène Farmer. Hein. Eh ben oui, j'avais trouvé, mais j'ai donné mon prénom. Il faut donner son prénom, non ? Bah d'abord. Oui, j'avais pas rappelé la règle. Oh là là, pardon, j'ai fait comme un cochon. Mais bien sûr, il faut donner son prénom pour prendre la main, puis ensuite proposer sa réponse. C'est vrai. Voilà. Et c'était donc Désenchanté de Mylène Farmer, un des gros tubes de l'année 91. Mais il y en a eu un autre qui, au rayon des tubes, se pose là également. Attention, il y a plusieurs interprètes à ce tube. Et vous allez tous me les donner. On y va. À nos actes manqués, Frédéric Goldman. Oui. Carole Frédéric, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones, À nos actes manqués. Ça, c'est un gros, gros tube de l'année 91. Vous les aviez tous les deux. Marie-Hélène a joué à la régulière, donnant son prénom, puis égrenant les réponses. Kevin, en total punk, est arrivé. Ah mais vraiment, tel plastique Bertrand sur le couplet de Ça plane pour moi. Il allait très vite et il avait tout bon. Bravo à tous les deux. C'est serré là. Mais ouais. Oh bah vous êtes tous les deux très bons. Et puis franchement, l'année 91, très bon cru, il n'y a rien à dire. Enfin si, il reste un truc à dire, c'est que cette année-là, en 1991, c'est aussi le début des gros albums de rap, hein, de La Planète Mars pour IAM, Authentique pour le Suprême NTM, Qui sème le vent récolte le tempo pour MC Solar. Et puis, ne jamais oublier le gros tube rap de cette année-là, n'en déplaise aux puristes. Alors Laura, qui est au Standard, n'a pas les réponses et elle fait une tête. Attends, c'est rap maintenant. Je vous donne un indice, c'était un trio t'aimais, je me présente. Ah, les inconnus. Oui. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Notre ghetto. C'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Eh oui, le gros tube rap de l'année 1991, c'est Auteuil Neuilly Passy. Des inconnus. Ah, oui, un petit peu changé, ouais, ça a évolué là. Bah oui. Et Kevin Benibi, c'était juste l'année d'avant. Mais vous oui, êtes oui, fou. Je vais te bourrer, oui. Ah bah c'est pas grave, dis. Vous aviez quand même tous tout bon, tous les deux, et tout le monde gagne, parce que vous le savez, c'est comme ça que ça fonctionne. Un album de Kassav, un album de Kyo pour Kevin et pour Marie-Hélène, et pour se régaler définitivement des tubes de l'année 1991, il ne faut pas oublier notre Helvète préférée, Stéphane Escher, qui voulait déjeuner en paix et qui est devenue une énorme star. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. En paix, en paix. Et moi, j'ai kiffé 1991. Hein. J'étais en 6e et franchement, tous les matins, mes parents m'accompagnaient. J'avais de la chance en voiture au collège. Et tous les matins, il y avait de la super bonne musique à la radio. C'était un plaisir de se replonger dans cette année-là avec vous pour le Blind Test. Ici, toute l'actu musicale dans Décibels. Alors, je voulais vous donner des nouvelles du Macumba. Oui, si vous avez aimé danser la lambada, le jerk, la macarena, hurler les lacs du Connemara à 5h du matin, rouler des galoches pendant le quart d'heure américain, alors le Macumba va vous manquer. Oui, il y a eu jusqu'à 23 boîtes de nuit Macumba en France, actives, très actives. Une marque, un label de qualité et de kitsch, un petit peu, on ne va pas se mentir. Mais les temps changent et le dernier Macumba, qui est à Anglos, près de Lille, va fermer ses portes au mois de février. Bon, l'avantage, c'est qu'il nous restera des souvenirs. Oh, Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh, Macumba, Macumba. Jean-Pierre Madère a été interviewé, c'est vrai, sur France Info. Vous allez sur France Info Musique ou sur votre application Radio France et vous verrez, il réagit à ça et avec beaucoup de nostalgie et de gentillesse, il parle de ses souvenirs de Macumba. Allez le voir, je vous jure, il est hyper touchant. Et puis dans un registre un petit peu moins éloigné de nous dans le temps, on est quand même 6 mois après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. On continue à parler beaucoup des cérémonies d'ouverture et de clôture parce qu'elles étaient musicales, elles étaient spectaculaires, elles ont révélé des talents. Elles sont nommées, toutes ces cérémonies, dans la catégorie concert de l'année aux Victoires de la Musique. Et puis une des créations de cette cérémonie de clôture, la reprise de Night Call par Angèle, Phoenix et Kavinsky, eh bien elle cartonne, elle vient d'être certifiée disque de platine. Alors bravo à l'équipe et bravo à cette chanson qui a commencé déjà bien sa carrière en étant la bande originale du film Drive avec Ryan Gosling et qui là redevient un tube des années plus tard. On croise les doigts pour eux, pour les Victoires. Angèle et Phoenix qui reprennent Night Call, ça fait partie de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, donc nommée dans la catégorie concert de l'année aux Victoires de la Musique. Rendez-vous pour les résultats des Victoires le 14 février, soir de la Saint-Valentin. Nous serons sur place avec toute l'équipe d'ICI, toute l'équipe de Décibel. Rendez-vous le 14 février, 19h-21h, en direct des Victoires de la Musique. 9h moins le quart, c'est parti pour le Festival Idéal. Premier concert, celui de Maxime Le Forestier sur le très joliment nommé album live. On a fini par trouver une date, sortie en 2022 pour une tournée qui aurait dû avoir lieu en 2020. Mais vous savez ce qui s'est passé. N'empêche qu'elle était belle, sa tournée. Voici, Née quelque part. Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Choisis pas non plus le trottoir de Manille, de Paris ou d'Alger. Pour apprendre à marcher, être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Non, mi quoi, qu'est-ce quoi qui croit à ça?

reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Louise Attaque enregistrée à Bercy. Et tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Soweto, c'est pas à côté du Cap, c'est à côté de Johannesburg. Je dis pas de bêtises avec les noms de l'équipe. Il y avait ce soir Iris Guitoni, Iki, Romain Frézu, Laura et Franck Moilier. Ici, ICI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 4 heures. Ici, au taquet. Jouez tous les jours avec Éric Bastien et Valérie Damido. Bonjour la France, bonjour nos auditeurs chéris, bonjour à tous. Bonjour Éric, Sonic, Bastien. Bonjour Valérie Damido, bonjour à tous, bonjour Sonic. Voilà, bonjour Sandrine Saroche. Les cheveux. Comme tu peux le constater, Éric a eu l'intelligence d'aller chez un nouveau coiffeur. Ouais, tout à fait. Ah, t'as changé de coiffeur. Ça te plaît, voilà. Oui, ça se voit. Hein. C'est une bonne idée, non? Voilà, et Sandrine nous emmènera sur l'autoroute du rire avec l'éphéméride. Je vous rappelle que nous sommes mardi, deuxième jour. On va tenter de se qualifier aujourd'hui pour aller en finale. Comme ça, au moins, c'est réglé, non? Écoutez, pour ceux qui auront le bonheur de voir les vidéos. Elle est là, bonjour la vidéo. Il a mis un bonnet sur sa chetron. Voilà. Ridicule, hein. Voilà. Je vous rappelle que le grand cadeau pour le grand gagnant de vendredi, ce sera en l'honneur de la Chandeleur, un 3 jours, 2 nuits dans une sélection de maisons d'hôtes, d'hôtels de charme, d'auberges de 3 ou 4 étoiles, 100 euros de carburant en Bretagne. Vous aurez 27 destinations à choisir. Ce sera l'occasion de chanter. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Eh oui. Et celui qui gagne pas, il gagne quoi? Il gagnera un café breton grâce à Joe Malango. Le café, Joe Malango n'est pas breton, il est vendéen. C'est vrai, il est vendéen puisque tout ça est fabriqué de façon totalement équitable et écologique en Vendée. 32 dosettes et 6 verres espresso pour la machine espresso d'une valeur de 300 euros. Beau cadeau pour vendredi. Eh ben c'est super, on a un champignon maintenant autour de la table. Ouais, je me fume. Hein. Oui, bon, attends, on peut pas. Allez-y, c'est formidable. C'est gratuit. Tu gardes cette tête pour ma chronique. Une tête. Vous savez, il y a des gens qui portent des chapeaux et ça leur réussit parfaitement bien. Moi, je fais partie des gens qui ont une l'air d'un une tête de gland. Voilà. Allez, surtout quand on met le chapeau sur les écouteurs. Oui, c'est vrai, ça fait encore. Ça fait Jacques Villeray de la soupe aux choux. Allez, on accueille nos candidates du jour. Une partie 100% féminine avec Adeline et Isabelle. Ah. Bonjour les filles, ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ah bah, à qui est le bonjour? À qui est le bonjour? Alors Adeline, moi je m'occupe d'Adeline. Adeline, elle a 43 ans. Elle habite Pouillé-les-Vignes dans le Doubs. Elle est mariée à Christophe. Elle a deux filles, Chloé et Alice. Elle a un chat qui s'appelle Étoile et une tortue qui s'appelle Lila. Est-ce que j'ai bon? Et c'est tout bon. Bravo. Ouais. On applaudit la fille qui lit les fiches de Maître Kikandon. Alors, Adeline est infirmière à l'hôpital psychiatrique depuis 15 ans. Ah. Tu bosses à la télé, en fait. C'est bon, ça? Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et alors, c'est pas trop dur? Non, c'est pas trop dur. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup mon métier. En tant qu'hypochondriaque, je suis content de savoir qu'il y a une infirmière jusqu'à 13h. Oh là, plaisir. Ouais, tais-toi donc. Allez, tiens, je vais lancer un petit humoriste qu'on aime bien pour te rappeler des et souvenirs. Et je vous préviens que le premier que j'attrape, en train de chuchoter, papoter, bavarder, ou quoi que ce soit, je le fous à la porte avec un rapport de chez monsieur. Voilà, mon sketch préféré. Avant, parce que pourquoi on a mis ce sketch, bien sûr, parce qu'avant, t'enseignais le français à l'étranger. Tu étais prof, c'était bien. Tu étais sévère comme Elie Kako ou pas? Bah non, j'étais pas sévère du tout, parce que mes élèves, entre guillemets, avaient le même âge que moi. Donc, du coup, en fait, on était plus potes. Ah, bah voilà, ok. Ouais. Bon, on va apprendre à te découvrir, Adeline, tout au long de cette émission, mais nous allons tout de suite essayer de marquer le premier point. La question vraie ou faux, à mon top chrono, tu as 5 secondes pour me dire vrai ou faux. Alors attention. Adeline, un lusophone désigne quelqu'un qui a un cheveu sur la langue. Vrai ou faux, top chrono, 5 secondes. C'est faux. Évidemment, c'est faux. Un lusophone, c'est une personne qui parle portugais. Luso vient du latin Lusitania, appellation désignant une province romaine correspondant aujourd'hui au Portugal. Celui qui a un cheveu sur la langue, on appelle ça un chochoteur. Voilà, allez, un point pour Adeline. Isabelle est avec nous en Isère. Elle habite Voiron. Elle est mariée, elle a 3 enfants et 5 petites filles et 2 petits chats Utopia, Noisette et 2 tortues aussi, Pistache et Cajou. Comment ça va, Isabelle? Ça va bien, merci. La famille est au complet, là, j'ai cité tout le monde? Oui, c'est bon. Bon, parfait. Vous êtes à la retraite depuis quelques mois, à peine 6 mois. Comment ça se passe, la retraite? Ah, ça se passe très bien, c'est vraiment super, j'avais le temps de rien faire, maintenant je me sens libre, j'ai plein de choses qui m'attendent. Alors avant, vous étiez documentaliste dans un service qui s'occupait des aides aux personnes âgées et handicapées. Alors votre retraite, vous l'occupez déjà en allant à l'aquagym, paraît que vous pratiquez le yoga aussi, la marche, les montagnes, parce que vous habitez dans les montagnes. Oui, c'est ça. Et puis vous êtes fan de Thomas Dutronc. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Alors pourquoi Thomas et pas Jacques? Pourquoi le fils plutôt que le père? J'aime les deux en fait. Et j'aimais encore autant Françoise, mais voilà. Ah oui, donc Thomas Dutronc, il passe dans ma ville. Donc je vais aller le voir. Oui, parce que je précise, on va le découvrir pendant l'émission, vous êtes une fan des artistes, vous aimez bien prendre des selfies, rencontrer plein de gens. Et là, vous avez un abonnement à la salle de spectacle de votre commune à Voiron. Oui. C'est aussi pour ça que vous allez très, souvent... Très, très belle salle, c'est Voiron. Ah ouais. Oui, il y a un public très chaleureux. Allez Isabelle, nous allons jouer et vous allez tenter de marquer un point tout de suite. Pour marquer ce point, je vous emmène en voyage. Vous aimez aussi les voyages et là, on va au Brésil. Cette question. Le passeport brésilien est bleu, la couleur du passeport. Vrai ou faux, top chrono, 5 secondes. Faux. Eh ben non, c'est vrai, il est bien bleu. Les citoyens de différents pays comme l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie possèdent tous un passeport bleu. À noter qu'en Afrique, le Soudan, au Sud impriment également des passeports bleus en référence à sa proximité dans l'océan. Nous, il est marron. Je sais pas pourquoi il est marron. Il est marron, notre passeport. Bah parce que nous, on a les pieds dans la merde. C'est l'effigie de notre coq. Je n'osais pas le dire. Voilà, voilà. Allez, c'est super. Un point pour Adeline, pas de point pour Isabelle. Mais vous inquiétez pas, les filles, il y a d'autres questions. Mais I just can't get enough avec Dépêche Mode. Vous écoutez. Ici, vous êtes au taquet et on vous aime. On me dit qu'en fait, il est Bordeaux. Il est Bordeaux. Comme le bon vin. C'est ce que c'est ça, Bordeaux. Ouais. I just can't get enough. We slip and slide. rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. I just can't get enough. Attention. Musique, d'ici à midi et quart avec Dépêche Mode. Jusque là, j'ai tout bon, tout va bien. Dépêche Mode, ouais, ça va. En anglais, ça va. Just can't get enough. Just can't get enough. Je ne veux tout simplement pas en avoir assez. Ici à midi, voilà. On est au taquet. Merci Google Traduction. C'est comme ça. Allez, Adeline, un point. Isabelle, pas de point. Alors Adeline, Adeline, elle aime bien bricoler, mais des trucs inutiles. Ah, c'est intéressant. Du genre ? Bah, du genre une guillotine pour bonhomme au chocolat. Ah oui ? Ah oui ! On peut remettre le bruit, s'il vous plaît ? C'est horrible. Oh, ça me... T'aimes bien bricoler des trucs chiants, quoi. Oh, c'est gore. Mais non, mais c'est pas chiant. C'est trop bien. Ah oui, oui, des trucs pour rigoler, quoi. Voilà, bon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben oui, oui, oui. Bon, moi, je pense qu'on pourrait transformer cette émission en La France a un incroyable talent. Ah bah, oui. Voilà. Bah ça. Dommage, c'est votre... Je peux te dire que nos auditeurs ont tous du talent. Alors, par exemple, on a beaucoup de collectionneurs chez nos candidats, nos auditeurs. Adeline, par exemple, elle collectionne tout ce qui a un lien avec l'Angleterre. Et tu l'entends crier derrière ou pas? Ouais. Mais elle guillotine personne en Angleterre, ça va. Non, alors attention, voilà. attention, Adeline, elle déconne pas. Elle a une centaine d'objets, dont une serviette avec la tête de la reine Elisabeth. Faites gaffe à la tête. Des tasses, une des coussins. Pour s'essuyer quoi. Et elle a même un drapeau dans son jardin. T'as Union Jack dans ton jardin? Ouais, j'ai l'Union Jack, ouais, carrément, ouais. Wow. Mais pourquoi? Et c'est j'ai pas que ça dans mon jardin, mais oui, entre autres, ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre dans ton jardin? Eh ben, Christophe bricole très très bien et il est un petit, il me suit dans tous mes délires, donc en fait. C'est la grande mode des tonneaux en métal là, qui se transformer en salon de jardin. Et ben du coup, je vais demander de m'en faire un et ben, il l'a custom avec l'Union Jack, avec les dragons du Pays de Galles, en fait tout ça. Donc c'est j'ai un salon comme ça fait main custom quoi. Ouais, mais pourquoi tu aimes tant l'Angleterre? Que se passe-t-il avec l'Angleterre? Je ne sais pas, ça ne s'explique pas, Valérie. Oh, pardon, excuse-moi, je suis désolée, Adeline, de poser cette question. Mais alors, tu y vas souvent, tu... Oui, j'y vais souvent. Enfin, on y va souvent, parce que du coup, Christophe, les filles, je les embarque. Bien sûr. Et oui. Puis j'ai vécu un petit coup là-bas aussi, j'ai un petit peu travaillé là-bas, voilà. Ah, vous savez ce qu'elle a fait là-bas en Angleterre? Un petit peu en champ, quoi. Moi, j'ai un dossier, vous savez ce qu'elle a fait là-bas en Angleterre? Voilà, on a les dossiers. Bien sûr. Alors non, par contre, Adeline et sa famille, le jour du décès de la reine, elle a envoyé Adeline un texto à Christophe en lui disant « Rentre vite, chérie, la reine est morte !» Christophe lui a dit « Ah oui, prends les billets, on y va !» Voilà. Et ils ont été... Ah, et là, le petit cri, Adeline. Et ils ont été... Ah, bah, c'est comme les tutus qui vont ils ont été, et les gosses ont loupé l'école pendant 3 jours, mais elles ont été à l'enterrement de la reine. Il faut que tu ailles voir les tuches 5, hein, tu vas te régaler. Oh, bah, j'ai déjà mes billets. God save de tuches. Voilà, God save de tuches. Allez, deuxième question, on va voir si t'es aussi bonne en question. Ça se tombe bien. Alors, Adeline, les anciennes cabines téléphoniques rouges du Royaume-Uni, c'est un peu pour toi, hein, pesaient chacune 750 kilos. Vrai ou faux, top chrono, 5 secondes. Je dirais un petit peu moins. Donc elle dit faux. Donc tu dis faux. Bah oui, mais c'est vrai. Et non, c'est vrai, mon chat. Petite anecdote, en 1980, des étudiants anglais se sont amusés à pulvériser un record insolite, entasser 14 personnes dans une seule de ces fameuses cabines rouges. Voilà, maintenant, ça... Et oui, ça fait bien 750 kilos, pas de points. Il en reste encore hein, quelques-unes d'ailleurs de ces cabines à Londres. Pour ceux qui aiment ça, Isabelle qui pour l'instant n'a pas de points, qui est à la retraite depuis 6 mois. Isabelle, fan de Thomas Dutronc, qui a un abonnement à la salle de spectacle. Alors, il n'y a pas que Thomas Dutronc dans votre vie. Je sais que vous collectionnez des figurines. Des figurines de quoi hein? De chats et de tortues. Des tortues. Alors, vous en avez combien des figurines de tortues? 140. Ah oui, quand même. Et les chats, du coup, il y en a combien? 68. Ah oui, c'est un petit peu moins. Alors, les chats, c'est bien. Les tortues, c'est bien. Mais elle adore collectionner les photos avec les artistes. Voilà. Vous avez une vraie passion avec les personnalités. Vous aimez les selfies, quoi. Oui, mais j'aime aussi surtout les acteurs de cinéma. Et en fait, j'aime les artistes, donc j'aime faire des selfies avec eux. Alors, avec qui vous avez fait ? J'en aime beaucoup. Mais alors, vous pouvez me citer quelques personnes comme ça que vous avez approchées, que vous avez rencontrées ? Oui, alors, il y en a pas mal. Une adorablement gentille, c'est Alexandra Lamy. Ouais. Sandrine Kiberlin aussi. D'accord. Manu Payet, ah, François-Xavier de Maison. Jérôme Commandeur. Ah, oui. François Levental, adorable. Mais attendez, je crois que vous avez fait... Nathalie Baye. Oui, en fait, c'est en allant à la gare de Grenoble, quand les artistes viennent pour le festival de l'Alpe d'Huez, on allait les attendre à la gare. D'accord. Voilà. Alors du coup, vous avez rencontré Valérie Damidot ? Eh oui. Oui, je l'ai rencontrée en 2020. Et vous avez fait le selfie et tout ? Elle est adorable aussi. Elle est gentille. Hein, elle est gentille. Oui. En fait, c'était quand José Garcia avait fait Rosé Garcia. Avait fait la dégustation de son rosé. Ah oui, son rosé. Avec les mariachis. Donc, vous avez fait selfie avec José et avec Valérie. Bravo en tous les cas pour ce livre photo. Bravo. Je rappelle que votre mari est psychanalyste. Peut-être peut-il vous apporter des éléments de réponse sur cette collection. Non, je vous taquine. Isabelle, on y va. Et on va tenter de marquer un point. Et on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Oh là. Quelle jolie chanson. Ah, le grand Jojo dans les années 80. Ouais, bien sûr. Durant sa vie, un être humain boit en moyenne, et je l'affirme, 10 000 litres d'eau durant toute une vie. Vrai ou faux ? Top chrono, 5 secondes. Vrai. 10 000 litres d'eau, vous dites vrai. Ah non, c'est faux. C'est 60 000 litres, madame. C'est beaucoup plus, soit l'équivalent. Oui. Écoutez bien, d'un camion. Ah oui, camion citerne XXL. Mais celle-ci est éliminée en permanence. Ouais, vous le savez, par la transpiration, etc., etc. C'est pas du Rosé Garcia. Hein. Là, on a bien parlé de 60 000 litres d'eau. Pas de point. Désolé. Alors, on reste Adeline avec un point et Isabelle, pas de point. Mais c'est pas grave, il y a d'autres questions. Tout de suite, nous allons écouter une nouveauté. Elena, mauvais garçon, vous écoutez ici, vous êtes au taquet, on vous aime, à tout de suite. Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle, comme ça que je sais rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux, eux, sont libres. Son amour est une prison. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils. C'est moi le pan. Un jour sur deux, il est mignon. Un jour sur deux, il est pire qu'un mauvais garçon, je les tire. Et moi, j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher, et plus je cours. Mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête. J'ai retrouvé l'amour de moi qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant je sais que m'éteindre. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mon mauvais garçon. Faut que j'arrête. On m'a dit faut que j'arrête de voir mon mauvais garçon. Eh, normalement, ça devrait aller, la désannonce, là. Vas-y. Mais ça va toujours en anglais. Attendez, j'ai quand même fait des études un petit peu. Mauvais garçon, Elena. Bad boy. Ici, 12h24. Quoi, bad boy? Oui, bad boy. Ah oui, en anglais, je l'ai dit, bad boy. Allez, on part sur le boulevard de la rigolade, l'autoroute de la déconne avec Sandrine Saroche. C'est parti. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 janvier. Bravo. Et le 28 janvier, c'est la Saint Thomas d'Aquin. Oh my God. Alors, bonne fête à tous les Thomas d'Aquin. Du nom de ce théologien du XIIIe siècle qui a donné son nom à tant d'églises, tant d'écoles privées et tant de bals populaires, les fameux bals d'Aquin, bien sûr. Oh, oui, j'ai envie de dire merci Saint Thomas d'Aquin pour tous ces bons moments taquins. Coquin, pardon. En revanche, à ma connaissance, aucun lien entre Saint Thomas et l'eau de d'Aquin. Ah bon ? Ah oui. Vous savez, le flacon à bout rouge que vous trouvez chez votre pharmacien, entre parenthèses, c'est un très bon désinfectant si vous souffrez de balanite, de post-it ou de balano-post-it. J'espère, Eric, tu ne sais pas ce que c'est. Mais si, bah attends, il faut qu'on y aille, que je connais ça par cœur. Tu sais ça, oui. Tu sais, parce que normalement, c'est le genre de mot qu'on ignore jusqu'au jour où on est concerné. Et là, allô, maman, bobo. Oui, la balanopostite, c'est l'infection conjuguée, écoute bien Valérie, du prépuce et du gland. Mmh. Oh et my oui, God. Et oui, chers auditeurs, il est midi et demi, vous êtes bien sûr ici et je vous souhaite un bon appétit. Oui, donc Eric, donc, tu nous disais donc, que tu souffres très fréquemment de balanopostite. Oui. Ça fait mal, hein. Oui, ça fait c'est très inconfortable. Mal. Oui. Hein, ça te lance ou ça te démange? Ça démange un petit peu. Pauvre. Comme le gars hier qui avait la torche un peu en flamme. Ah bah oui, hier on a eu un auditeur qui se touchait le kiki quand il avait touché les piments. Donc lui aussi il avait une ballonite. voilà. Hein, ça tombe bien. Eric, on va en parler, on est entre nous. Oui, bien sûr. Alors note sur ce que tu veux, un carnet, un téléphone, un post-it. En cas de balanopostite, appliqué matin, midi et soir. Oui, tu peux commencer tout de suite. Valérie, ne regarde pas. Je détourne le regard. En tamponnant délicatement la zone affectée au moyen d'un coton imbibé d'eau de d'Aquin. Si les symptômes persistent, que dit la notice, ah oui, il faut prendre le taureau par les cornes. Et là, il faut passer au bain de verge. C'est-à-dire introduire l'extrémité douloureuse du membre infecté directement dans l'orifice du flacon à bout rouge. Aïe. Attention, vérifie bien que personne ne l'a utilisé avant toi. Ça te gêne pas, hein, que je te parle de ça à une heure de grande écoute. Je sais que t'as pas... Ça fait plaisir. T'as l'air dubitatif. Hein. Le bain de verge à l'eau de d'Aquin, tu n'y crois pas? Si, je suis prêt à y croire. Moi, ce que j'y crois pas, c'est comment il rentre son kiki dans le goulot. Il est gros. Il est gros. Ah, c'est un gros goulot. C'est ton membre, je respecte, Eric. Tu sais, ça, c'est comme c'est en la gênance, là, comme disent les jeunes. En matière de religion, il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Il y a les sceptiques, les antiseptiques. Voilà. Alors, ça me fait penser qu'aujourd'hui, 28 janvier, c'est l'anniversaire de Nicolas Sarkozy. Ah. 70 ans, ça doit pas être facile pour son entourage. Mettez-vous à la place de Carla, elle sait plus quoi lui offrir à son homme. Il a tout. Une Rolex, il a déjà. Une mallette, il a déjà. Un portable, il en a déjà deux, dont un au nom de Paul Bismuth. Un bracelet, il a déjà. Ah, mais si le bracelet, il l'a. C'est vrai. Mais les clés pour l'enlever. Il l'a pas. Les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Ah, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oui, c'est vrai, c'est une mais bonne peut-être idée. Qu'il n'a pas de balano sceptique. Voilà, enfin bref, il ne peut pas souffrir de tout, cet homme-là. Alors, merci Sandrine pour cette autoroute du kiff. C'est un carton absolu au théâtre des Mathurins. Les auditeurs qui n'ont pas encore pris leur place, dépêchez-vous, parce que ça va. Surtout, vous allez rire pendant une heure et demie. Et c'est tous les jeudis, vendredis et samedis à 19h, théâtre des Mathurins. À Paris. Jusqu'à fin mars. Bah, jusqu'à fin mars, donc. On va venir. Bah, j'espère bien que vous allez venir. Bah, évidemment qu'on va venir. Je ferai des stories, des selfies, des tout ce que tu veux. that you are. Jedi, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. La journée commence dès 5h. Bonjour, bonjour. Yoann Guérin. Info, musique, bonne humeur. On vous décrypte l'actualité qui va marquer votre journée. C'est chaque matin. 5h23 aussi, Vie d'artiste vous raconte les secrets de carrière de Patrick Fiori cette semaine. On se réveille ensemble, ici, dès 5h. Ici, au Taquet. Jouez tous les jours avec Éric Bastien et Valérie Damido. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec Adeline et Isabelle dans l'Octogone du Kiff. Je vous rappelle qu'on joue pour se qualifier vendredi pour la grande finale, que le grand gagnant, parce que c'est la Chandeleur, on pense à lui parce que ici c'est une radio sympathique. Donc, le grand gagnant, il gagne 3 jours, 2 nuits dans une sélection de 27 séjours au choix en Bretagne avec hôtel de charme, hôtel, auberge, 3 ou 4 étoiles, plus 100 euros de carburant. Et celui qui ne gagne pas ça, gagne quand même. Eh bien, avec sa petite crêpe, il pourra profiter d'un café Malongo pour la machine espresso. Et ces 32 dosettes, ça coûte 300 euros. C'est une belle machine à mettre à la maison ou au bureau. D'ailleurs, je vais faire une soirée Chandeleur à la maison. Et on se fera sauter les crêpes avec le Louis d'or dans la main. Avec plaisir. Voilà, on ça a un Louis d'or. La tradition, ça. Tu connais pas la tradition? Si, mais t'as un Louis d'or. Bah, évidemment, j'en ai un. Bon, tu sais quoi, on me l'a offert il y a 55 ans, même plus que ça. C'est ma grand-mère ou mon grand-père, ou peut-être voir ma mère qui m'avait offert. Et vous ça. En avez beaucoup? C'est quoi votre adresse? Oh, j'en ai deux, hein, mon chat, tu sais. Deux, c'est pas mal. Non, mais blague à part, ça coûte combien, Louis d'or, aujourd'hui? Bon, 400 balles. Ah, quand même! Bon, c'est rien, franchement. Ah, bah, si, c'est bien! Bah, non, moi je pense que c'est. T'achètes une machine Malongo avec un Louis d'or! Ah, bah, moi je l'achète pas la machine, j'attends que Joe Malongo me l'envoie. Bon, allez, on reprend l'octogone de la baston pour la qualification de vendredi avec Adeline et Isabelle. Alors, Adeline. Ah, oh, Adeline, qui habite à Pouillet-les-Vignes dans le Doubs, qui collectionne les objets de la reine d'Angleterre, qui a déjà ses places pour aller voir les Tuches, et on embrasse Jean-Paul Roux, Sarah Stern et toute la clique. Mmh. Alors, attention, parce que Adeline, elle embarque son mari dans son délire, son mari qui s'appelle Christophe. Et comment est-ce qu'elle a connu Christophe? Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie chez Renaud. Elle a connu Christophe sur au concert de Renaud. Ah, voilà. Et oui, parce que figurez-vous que la vie est bien faite. Et oui, Adeline se garait sur le parking et Christophe faisait partie des bénévoles qui aidaient les gens. Alors, elle était avec un collègue qui l'emmerdait un peu. Il insistait. Et Christophe, tel le chevalier servant, s'est interposé. Ah là là, premier rendez-vous, coup de foudre. Mais Christophe lui avoue qu'il est en couple depuis 9 ans. Ah, c'est mal. Alors là, cœur brisé, elle coupe court. Bon, après, il l'a rappelé, il lui a dit « Bon, j'ai largué l'autre, allez, viens, on va se mettre ensemble. » Et donc, du coup, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Je te ferai des tonneaux pour ton jardin. Et voilà. Et alors, il paraît qu'il t'a demandé en mariage et que tu l'as pas cru. Et à la cérémonie, comment ils étaient les témoins? En kilt. Ah ben oui. Dans les tuches, Bernard Ménez, il est en kilt. Évidemment. Il joue le rôle du roi, c'est énorme. Et alors, est-ce que vous avez chanté des chansons en anglais? Vous avez fait des karaokés sur les chansons en anglais ou pas du tout? Oh ben, on a chanté quelques chansons en anglais, mais en anglais approximatif, hein, du coup. Ah ben comme moi. Ah ben comme moi. Tu veux dire en yaourt Bastien. D'accord. Ouais. Just can't get enough. Just can't get enough. Alors, la petite manie de ma petite Adeline, c'est qu'elle a une petite manie. Quand elle rentre chez elle, elle se met en pyjama, en tenue d'intérieur, parce qu'elle ne veut pas garder ses vêtements extérieurs. Elle déteste ça. Alors, ça me fascine, parce que moi, je ne sais pas faire ça. Comment non plus. Tu as des petites tenues de femme d'intérieur, mon chat? Pyjama. Oh bah, j'ai des tenues. Qu'est-ce que c'est des tenues de femme d'intérieur, chaton? Décris-moi ces petites... C'est plus pilou-pilou que petite tenue, quoi, voilà. Ah, c'est moins bien, ça. Oui, en fait, c'est pour avoir anglais. Être bien à l'aise pendant que quand tu rentres chez toi. En quoi. Même temps, elle met peut-être cette petite tenue d'infirmière, ouais. Hein, parce que... petite tenue d'infirmière. Non, mais ça va pas bien. Oh, bah, elle est infirmière, écoute. Et alors? Bah, alors, moi, je veux bien que ma femme mette une petite blouse en intérieur pour m'accueillir le soir. Oh là là, mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Et... et alors, j'essaie Christophe... juste de passer des messages à ma femme. Ouais, d'accord. Ok, Christophe, il met aussi un petit truc de pilou-pilou? Bon, ben... Non, pas tellement, non. Ah, lui, j'ai l'impression qu'il y a des dossiers qui sortent pas, là. Hein. Bah non, je raconte tout, moi. Je dis, Christophe, il se met quoi? En slip claquette ou quoi? À poil. Bah oui, il se met en caleçon, quand il n'y a pas les filles. Voilà, c'est ça. Quand il n'y a pas les filles, c'est en caleçon. Dis-nous bien qu'il y a des pilou-pilou un peu sexy, va. Voilà. Ça sent la menotte sur l'armoire, tout ça. Ça sent la menotte en fourrure rose, va. Ah là là. Alors, Adeline, on va voir si t'es aussi bonne en tenue de femme d'intérieur qu'en question à 3 points. Tu es en tête avec 1 point, c'est pas non plus dingui dingo, donc tu vas nous marquer tout de suite 3 points supplémentaires. C'est la question à choix multiples. Je pose la question, je te fais des choix. Et à mon top chrono, tu as 10 secondes pour me donner ton choix. Alors attention, Adeline, quel est le nom de la pathologie qui entraîne un battement trop rapide du cœur? La tachycardie, l'hypercardie, l'endocardie, le coup de foudre hein, qui s'achève en toute logique sur un divorce et pension alimentaire. Allez, top chrono, fais ton choix. Eh ben la tachycardie. Ben évidemment. Bah, bien sûr. Oui. Si t'avais pas trouvé, j'appelle ouais, l'hôpital. Là, ouais, évidemment, aïe, c'est aïe, la... aïe, aïe. Ouais. Le docteur Bastien, il connaît tout. Bah, bien sûr, le cœur en bonne santé bat entre 50 et 80 fois par minute. Quand il y a de la tachycardie, le cœur dépasse les 100 battements minute. Ça peut monter jusqu'à 400. Donc le cœur, là, repos, à un moment donné, il pète les plombs. Hein. Il peut pas pomper le sang. Donc voilà. Donc c'est bien, tu marques 3 points de plus, tu as 4. Ouais, et la bradycardie, c'est l'inverse, quand il bat trop lentement. Ok, merci docteur Bastien. Ouais, mais je suis toujours là. Isabelle qui n'a pas de points. Isabelle, il faudrait bien un peu faire battre le cœur pour marquer des points. Isabelle qui adore les selfies, qui a rencontré Valérie Damido à Grenoble, en amont du Festival de l'Alpe d'Huez, qui adore faire des photos avec tout le monde. Et puis qui aime bien voyager, notamment à New York. Oui. Qu'est-ce que vous avez vécu à New York, Isabelle? Comment? C'était votre voyage de noces, c'est ça? Ah oui, c'était mon voyage de noces, oui. C'était bien? Ah, c'était très bien, c'est impressionnant comme tout est grand. Et au retour, la ville me semblait minuscule. Les tours de Grenoble me semblaient... C'était pas pareil, Grenoble, oui. Alors vous avez été à Montréal, au Danemark... C'était vraiment le choc, comme dit Nougaro, c'est un choc, New York. Oui. Ah oui, c'est vrai, avec New York. Alors, des petites habitudes comme ça, vous supportez pas d'être dans le vide. Donc, par exemple, bah, Isabelle, prend plus les télésièges, quoi. Vous faites pas de ski, du coup. Non, j'ai arrêté le ski à 26 ans. Ouais. Mais j'en ai refait un peu. Il y a des tire-fesses, chérie. De moins en moins. Il n'y en a plus beaucoup. Oh, tire-fesses, à l'Alpe d'Huez. J'en ai pas vu à l'Alpe d'Huez. Il y en a plein parce que moi, je les prends, les tire-fesses. Donc, il y en a. Ouais, l'été. Alors, si vous aviez un pouvoir magique, vous aimeriez être comme Lara Fabian. Ah, comme Highlander, quoi. Ouais. Vous aimeriez arrêter de vieillir. Et alors, vous vouliez revenir à quel âge? Il y a un âge précis où elle aimerait revenir, Isabelle? Alors, j'ai deux âges. J'ai 28 ans et 35 ans. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous voulez ces âges-là? C'est là où j'étais le mieux dans ma peau, physiquement et aussi au niveau du moral. Et, Parce que trop jeune, j'étais pas forcément bien. Voilà, je trouve que c'est le plus bel âge. Bah, écoutez... On est à la fois mature et à la fois encore... Vous avez raison. Voilà. Je vous souhaite en tous les cas plein de beaux voyages parce que c'est un peu notre Phileas Fogg, hein, notre amie Isabelle. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours, je vais faire le tour du monde. Allez, on va faire le tour du monde des cadeaux et des jeux avec une question à 3 points. Et alors, c'est marrant parce qu'on vient de parler des États-Unis, on vient de parler de New York et je vous emmène justement aux États-Unis. Nous sommes à Hollywood et cette question pour 3 points, Isabelle. Quelle grève a touché massivement Hollywood récemment, en 2023? La grève des scénaristes, la grève des acteurs, la grève des cascadeurs ou la grève SNCF, avec seulement un train sur 5 sur les trajets Paris-Montparnasse-Los Angeles. Top chrono 10 secondes. La grève des scénaristes. La grève des scénaristes en 2023. Oui, c'est une bonne réponse. Les scénaristes américains réclamaient des hausses de salaire ainsi qu'un encadrement de l'IA, hein, l'intelligence artificielle qui menace leur métier. Il n'y a pas que ce métier-là qui est menacé. Conséquence, les tournages de nombreux films et séries ont dû être repoussés. C'est une bonne réponse. Enfin, Isabelle, vous inscrivez 3 points. Alors, Adeline, 4. Isabelle, 3. C'est pas mal, les filles. Il y aura une question après. J'ai rien compris. Une question après. Mais d'abord, on va écouter un truc que j'adore. D'abord parce que j'adore le gars et que ça va me rajeunir instantanément de 45 ans. Donc c'est parti, vous écoutez ici et vous écoutez Adriano Chalentanos. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Con il salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation. Da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Svalutation, Adriano Celentano, à 12h42, c'est ici. Et là, je l'ai bien prononcé, Svalutation. Même pas. Au taquet, c'est votre jeu de midi. C'est Adrien Nocellin de nous. Sur le truc qui n'est pas du tout exagéré, tu sais. Du tout. Du tout, absolument. Tout en naturel et en authenticité. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec Adeline et Isabelle qui s'affrontent à main nue pour la sélection de la grande finale de vendredi. Adeline est en tête avec 4 points, Isabelle à 3 points. Alors, Adeline hein, qui vit à pouiller les vignes dans le Doubs, qui a horreur de jardiner, qui collectionne les objets de la reine d'Angleterre, qui a rencontré son mari Christophe à un concert de Renault. Adeline, elle a un petit côté Pierre Richard, un peu, légèrement. Encore une, mais nous on aime bien les Pierre Richard, Pierrette. Alors, par exemple, pour le traiteur de son mariage, on lui avait conseillé le mess de la gendarmerie. Alors du coup, avec Christophe, ils y vont en voiture et à l'entrée, le gendarme lui demande sa carte d'identité. Adeline, elle l'a pas. Son permis de conduire. Adeline, elle l'a pas. Ah. Alors le gendarme, il dit, il lui fait les gros yeux un peu, genre, dis donc. Et là, elle fait « Ah non, mais j'ai ma carte bancaire. » Voilà, bonne soirée à tous. Elle a fait demi-tour, elle est rentrée chez elle. Elle est revenue avec ses papiers. Elle a essayé de soudoyer, en fait. C'est ça. Non, je crois qu'elle a cru que la carte bancaire... T'as cru que c'était ta carte d'identité, chaton ? Oui, j'ai cru que c'était une preuve d'identité, ouais, complètement. Bon, c'est bien, c'est sympa. Alors après, mais comme elle est un petit peu Pierre Richard, par exemple, elle porte des lunettes, elle est un peu comme toutes les femmes passées une certaine date, on ne voit plus rien. Mais alors, par contre, quand elle va à la piscine... les femmes. Elle n'aimait pas les lunettes à la piscine. Alors, il y a 2 ans, elle nage, elle se rapproche de quelqu'un. Elle lui tapote l'épaule quand elle arrive à sauter. Elle fait « Oh, excusez-moi, je vous avais pris pour mon mari. » Alors le monsieur est mort de rire, il se tourne vers le mari en question, Christophe, qui était à côté de lui. Il fait « Dis donc, elle a pas un peu des problèmes de vue, votre femme, parce que bon, on est quand même très différents. » Oui, il faut dire que le monsieur qu'elle avait pris pour son mari, bon, c'était un monsieur très black, et son Christophe de mari, il est pas black du tout. Du coup, ils sont devenus potes et ils ont mangé ensemble le soir. Du coup, c'est sympa, par contre, la fin de l'histoire. T'as appelé l'opticien ou pas le lendemain? Comment ça se passe? Non, j'ai remis mes lunettes, en fait, tout simplement. Ils ont fini le soir tous ensemble dans un dîner et tout? Ouais, ils ont mangé ensemble. Parce que c'est rigolo quand même. C'était trop sympa. C'était quand même trop sympa. En pyjama, d'ailleurs. Pyjama, en pilou-pilou. Oui, voilà. Exactement. Ou en tenue bunga, voilà. Et ils ont regardé une série. Voilà. Bien sûr. Sur quelle chaîne? Occupez-vous de mettre vos choses dans le daquin, vous. Allez, alors... Adeline, elle aimerait bien parce que, elle avait un chat, il est mort de vieillesse. Ça arrive. Oui. Elle voudrait absolument en reprendre un autre, mais son mari, il dit, on prend pas un chat à nous. Tout le monde veut des biens. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ok, s'il n'est pas... Je suis pas fière. Voilà. Elle a piqué un chat? Non. Elle dit, ok, s'il n'est pas à nous, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue famille d'accueil pour chatons. Ah. Voilà. Et du coup, un jour, il en est resté un, ils l'ont adopté. Voilà, t'as eu gain de cause, t'es forte. Adeline, t'es très forte. Oui, quand même. Je suis pas fière, mais quand même, oui. Très, très forte. C'est assez fort, ça, quand même. Allez, c'est la question à 5 points. T'es en tête, donc ça serait bien que tu restes en tête. Mon petit chat, je vais te lancer une petite musique. Je suis représentant en confiture et j'ai toujours les semaines très dures. Eh ouais. Pour convaincre une épicière, ça dure. Pierre Perret, ça. C'est Pierre Perret. Parfois, il faut faire des concessions et c'est ainsi que. Alors, on va parler confiture, ma petite chérie. Attention, Adeline. Quel fruit est utilisé pour fabriquer la célèbre confiture de Bigaro? Top chrono, 10 secondes. La cerise. Yes! Bravo! C'est le Bigaro, hein, c'est une variété de cerises. Il y a aussi la Montmorency, il y en a plein, voilà. Et elle est sucrée, elle est souvent utilisée en pâtisserie. Bravo, tu as 9 points. Isabelle qui est à Voiron en Isère, qui est mariée, qui a 3 enfants, qui a 2 chattes, puisque vous parliez des chats et de l'adoption des chats. Et alors, faisons un lien directement, puisque vous parlez de la piscine et des problèmes de vue de notre amie Adeline, voilà, qui confond son mari. Vous avez un lien avec la piscine, Isabelle. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, je fais de l'aquagym. Alors, c'est vrai, ça aurait pu être ça. Non, je pense à autre chose. Ah. Alors non. Le cinéma Ah oui. Et oui, vous avez fait de la figuration en 2017 dans le film qui s'appelle Le Grand Bain. Et oui, Le Grand Bain. Qu'est-ce que vous faisiez comme rôle? En fait, j'étais une cliente d'un restaurant chinois avec un collègue. Ouais. Et on jouait avec Philippe Catherine, qui était le client du restaurant. Bien sûr. Et en fait, ça a été coupé au montage. Ah mince ! On ne s'est pas vu. Alors ça, c'est pas de bol, parce que quand on fait de la figuration et tout, quand on apprend qu'on est coupé au montage, c'est moche. Bon, en tous les cas, vous y avez participé. Puis alors, en termes de participation, il y a eu le cinéma, mais aussi la télévision. Ah ouais, je dis ouais. Ta-la-ta-ta-la, 4 à la suite. Je le fais très mal. Je sais pas. Question. Et c'est question pour vous, bien sûr. Vous avez participé à Question pour un champion. Vous avez été coupé au montage ou pas, là? Non, j'ai pas été sélectionnée. J'ai été sélectionnée, la présélection, et ensuite j'ai été éliminée à la deuxième présélection. Un peu la loose, tout ça, quand même. Oh. Oui. Moi, je passe toujours en deuxième position. Bah oui, un petit peu quand même. Ouais. Bon, allez, nous allons jouer. J'espère que vous n'allez pas passer en deuxième position. Pour l'instant, vous l'êtes, Isabelle, mais vous pouvez marquer 5 points de plus avec la question cash. Écoutez, c'est une question sonore avec un extrait d'un titre d'un artiste que vous connaissez. Écoutez bien. Eh oui. Dans la chanson « Cette année-là », de quelle année parle Claude François? Top chrono, 10 secondes. 62. Oui. 1962. Mais tu vas te taire, voilà. Vous me l'avez fait en chanson, allez-y, refaites-le moi pour voir « Cette année-là ». 62. Vérification. Cette année-là. 62. Alors, c'était l'année. C'est une reprise du tube December 1963 de Frankie Valli et de Four Seasons. Et lorsque Claude François l'entend, il a été emballé, il a demandé à Eddy Marnay d'en écrire l'adaptation française, l'idée étant de raconter ses débuts dans le showbiz en 1962. Bravo, 5 points, 3 et 5, ça fait 8, 9 à 8. Bravo Isabelle. Eh ben c'est super les filles, vous êtes toutes les deux très très fortes. Nous allons immédiatement écouter Marc Lavoine avec sa nouvelle chanson qui s'appelle Le Protocole. Vous écoutez ici, vous êtes dans l'octogone du kiff, vous êtes au taquet, à tout de suite. Jardin de la déchirure, mais quelque C'est le nouveau Marc Lavoine, il s'appelle Le Protocole et vous le découvrez peut-être pour la première fois à 12h52, 42 secondes avec Ici. Ici à midi, on est au taquet. Alors, nous sommes au taquet avec Adeline qui a 9 points, Isabelle qui a 8 points, bravo les filles. Ça va swinguer parce que là, c'est la question que tous nos auditeurs et nos candidats redoutent. C'est la question bingo banco. C'est-à-dire que... c'est tout ou rien. Oui, parce qu'on peut effectivement, on l'a vu hier, hein, quelqu'un qui n'avait pas de points et qui a remporté la manche, parce qu'on peut marquer plein de points d'un coup. Exactement. Alors, je rappelle qu'Adeline est pour l'instant en tête avec 9 points. Adeline, hein, qui vit dans le Doubs, à Pouillet-les-Vignes.